smirks and winks toward adversity. You know? Subtle yet as vital as the ink on your currency. I am currently spiraling, sinking, inking melatonin, toning gelatin soft, naturally firming lost, fill up the edge of the whirlpool thoughts, intangible, in the civilization, lacing loud screams, no attachments. Dimanche 12 janvier, il fait enfin 0 degré à 13h, car cette nuit on était à moins 6, moins 7 degrés. Le Pilat est givré. Actuellement, le taux d'humidité est de 61%. Le vent souffle à 20 km/h en sud-est, rafale 45 et 1034 hectopascal. Cette semaine stéphanoise, les minimums seront à moins 7 et maximum 0. C'est l'hiver. C'est notre première d'une saison d'enfer. Amour à mort cet hiver. On est avec vous de 13h à 17h. C'est le moment de vous faire une petite tisane. On est sur Radio Dio 89.5. On vous parle d'amour, de mort, de cuisine et de plein d'autres choses. Il y aura de la musique et des super jingles faits maison. Des messages nous ont été laissés sur le 06 95 90 63 60. Merci à tous celles qui se sont lâchées sur notre répondeur. En studio, on est aussi très très prêtes à se lâcher. Donc moi, c'est Chloé, Elodie, Colline, Federica, Clara Nox et Luna, notre correspondante bretonne. Et en régie, il y a Cécile. Et Cécile. On vous souhaite une bonne écoute sur le 895 de Radio Dio ou en ligne. C'est parti pour 4 heures d'une saison d'enfer. Amour, à mort, à mort. Bonjour à tous et à toutes, c'est Federica. Et j'écris une poésie d'amour, c'est pour toi, Bérénice. Un après-midi d'automne, l'abeille chatouille, les regards pollinisés, une poussée. Vacille, scintille, vacille l'amour qui croustille. À toi, à toi, marée perpétuelle de mon cœur, à toi, mon cœur. Bien. Donc cette très belle poésie nous a été proposée par Federica. Il y a un petit morceau qui va suivre tout à fait bientôt. Qu'on adore. Voilà. Et qu'on a tous et toutes dansé dans notre adolescence les dimanches. Et pourquoi le choix de ce morceau, tu peux nous raconter ? C'est parce qu'en fait je l'aime beaucoup et surtout parce que je l'ai dansé les dernières de l'an avec Bérénice. Voilà. Et on attend qu'il parle. Ça y est, je crois que la régie dit qu'on est prête. Voilà, dansez. Aimez-vous et souriez. À la vie. pour faire le deuil d'une relation amoureuse. Quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse? Pour se remettre d'une rupture, ce qui est bien, c'est de faire des dates pour soi-même. Histoire de reprendre confiance en soi, parce qu'en soi, on le mérite. On fait des dates avec quelqu'un d'autre pour passer du temps avec lui parce qu'on l'aime. Mais c'est cool aussi de se montrer à soi-même qu'on s'aime, finalement, et de passer du temps avec soi-même, de passer du temps qu'on apprécie, finalement. Ce qui est cool, c'est aussi de se changer les idées, donc de passer du temps avec des amis. Si jamais vraiment passer du temps seul, c'est pas possible, et si on sait pas quoi faire, c'est voir du monde. C'est se changer les idées, faire des activités, découvrir de nouvelles choses, et penser à autre chose finalement. Faire tout pour penser à autre chose, quitte à faire tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. de Rose Merci pour introduire cette partie de l'émission Amour à mort qui va parler de la mort de l'amour. On va commencer par une petite chronique express de lecture du livre La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain d'Eva Illouz. Donc Eva Illouz, c'est une sociologue qui travaille beaucoup sur les émotions et les sentiments. Et le descriptif de ce livre que je vais vous lire est donc « La culture occidentale n'a cessé de représenter les manières dont l'amour fait miraculeusement irruption dans la vie des hommes et des femmes. Pourtant, cette culture qui a tant à dire sur la naissance de l'amour est beaucoup moins prolixe lorsqu'il s'agit des moments, non moins mystérieux, où l'on évite de tomber amoureux, où l'on devient indifférent à celui ou celle qui nous tenait éveillés la nuit, où l'on cesse d'aimer. Ce silence est d'autant plus étonnant que le nombre des ruptures qui jalonnent une vie est considérable. » C'est à l'expérience des multiples formes du désamour que ce livre profond et original est consacré. Eva Illouz explore l'ensemble des façons qu'ont les relations d'avorter à peine commencées, de se dissoudre faute d'engagement, d'aboutir à une séparation ou un divorce, et qu'elle désigne comme des relations négatives. L'amour semble aujourd'hui marqué par la liberté de ne pas choisir et de se désengager. Quel est le prix de cette liberté et qui le paye ? C'est tout l'enjeu de cet ouvrage appelé à faire date et qui prouve que la sociologie, non moins que la psychologie, a beaucoup à nous apprendre sur le désarroi qui règne dans nos vies privées. Alors personnellement, j'ai lu ce livre, évidemment, après une rupture. J'aimerais bien avoir les statistiques des lectrices, savoir combien on est à avoir fait ce choix. Surtout que c'est un énorme pavé et qu'il y a un peu ce petit espoir, je pense, en trame de fond, de se dire « Bon, quand j'aurai fini de lire ça, c'est bon ». Ça sera guéri, ça sera assimilé, pourra passer à autre chose, et avec ce temps qui va se passer dédié à essayer de comprendre ce truc-là. Après, je ne sais pas si j'en conseille vraiment la lecture en post-rupture. Je pense pas que ce soit forcément le meilleur rituel, parce que personnellement, ça m'a quand même vraiment beaucoup déprimée. Quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit que c'était vraiment fini. À la fois ma relation, mais aussi toutes les autres potentialités de relationner, que l'amour était complètement mort, que le capitalisme avait bien tout rongé, tout espoir de relation. Donc c'était vraiment... J'ai appris beaucoup de trucs en le lisant, et en même temps ça m'a bien déprimée. Donc c'est... Je sais pas, après avoir lu ça, c'est un peu difficile d'ouvrir une application de rencontre sans avoir envie de vomir, c'est... Ça fait son effet quand même, assez fort. Ce que je conseille plutôt, c'est ce que j'ai fait juste après qui m'a fait beaucoup de bien, c'était de lire La volonté de changer de Bellux, et pour le coup ça m'a laissé sur une note beaucoup plus positive. Voilà, c'était une chronique de lecture express et complètement incomplète de La fin de l'amour d'Eva Illouz. L'habillage sonore, c'était évidemment le tube de Weshden. C'est terminé, on va continuer un peu dans cette lancée parce que personnellement, c'est un de mes rituels après une rupture d'écouter de la musique très pop, très fort, en chantant très faux. On écoute tout de suite Doria. Je me suis fait larguer ou je l'ai jeté. Je me suis fait larguer ou je l'ai jeté, en vrai je sais même plus. J'ai juste que c'est fini, qu'en fait c'était qu'une ordure. Pourtant devant mes potes, hein, qui faisaient le mec dur. Mais j'ai compris qu'une fois fini que c'était perdu. Attendre un appel, un texto, une DM c'est fini. Un rappel, une insulte, une manière c'est fini. J'attends plus pour me faire un resto, plus pour me faire un cadeau, même pas pour un McDo. Y'a plus personne pour me prendre la tête. Y'a mes copines si je retombe dans le piège. J'avoue que c'est dur mais pas autant que ma tête. Y'aura toujours du beau temps même si elle est dure la veille. Oui c'est fini, oui c'est fini, oui j'ai pleuré, next. À chaque fois je me dis là c'est fini, puis je refais la même. Oui c'est fini, oui c'est fini, oui j'ai pleuré, next. À chaque fois je me dis là c'est fini, puis je refais la même. J'aimerais te voir une dernière fois pour te dire que je m'en vais. J'aimerais te voir une dernière fois pour que tu m'aimes une vengée. Oui c'est fini, oui c'est fini, je voyais à l'envers. Oui c'est fini, oui c'est fini, le décor tout l'envers. Jamais j'en fais trop, là je suis une fille facile. Si jamais j'en fais pas assez, là je t'ennuie. Moi je me pose que des questions, pour toi c'est facile. Et si je te pose trop de questions, je passe pour l'inspectrice. On m'avait pas dit que ça se passerait comme ça. Pourtant on m'avait dit, tu fais pas aux gens comme ça. Je sais que dans le monde, y'a plus d'un chien comme toi. J'espère qu'ils tomberont pas sur quelqu'un de bien comme moi. Tu mets la faute sur le temps, ou bien sur les autres. Tes promesses dans le vin, et tu joues sur les mots. On n'a pas signé pour ça mesdames, non. J'suis pas ta mère, ta femme de ménage. de pas regretter quand j'aurais pris de l'âge. Moi, c'est pas ce que je voyais quand tu disais je m'engage. Oui, c'est fini, oui, c'est fini, oui, j'ai pleuré, next. À chaque fois, je me dis là, c'est fini, puis je refais la même. Oui, c'est fini, oui, c'est fini, oui, j'ai pleuré, next. À chaque fois, je me dis là, c'est fini, puis je refais la même. J'aimerais te voir une dernière fois pour te dire que je m'en vais. J'aimerais te voir une dernière fois pour que tu m'aimes une vengée. Oui, c'est fini, oui, c'est fini. Je voyais à l'envers. Oui, c'est fini, oui, c'est fini. Le décor tout l'envers. J'aimerais te voir une dernière fois pour te dire que je m'en vais. J'aimerais te voir une dernière fois pour que tu m'aimes une vengée. Oui, c'est fini, oui, c'est fini. Je voyais. Oui, c'est fini, le décor tout l'envers. Le décor tout l'envers. On vient d'écouter C'est fini de Doria. Ça fait quelque temps qu'avec mes amis, quand on se retrouve à plusieurs soirées à discuter de certaines questions qui prennent beaucoup de place et beaucoup de temps et qui sont compliquées, on s'est mise à demander l'avis d'une intelligence artificielle et ensuite à commenter en fait ce qui nous était apporté. Et on s'est dit qu'on allait faire la même chose là pour la question qui nous intéresse aujourd'hui et qui est comment faire le deuil d'une relation amoureuse. Donc on a posé la question à l'intelligence artificielle et évidemment on lui a quand même précisé qu'on voulait une perspective féministe. Aujourd'hui donc on va les écouter ensemble et puis les commenter évidemment. Les réponses des intelligences artificielles sont toujours très structurées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter point par point. Et entre chaque point, on écoutera un petit morceau de musique, histoire de digérer tout ça. Faire le deuil d'une relation amoureuse d'un point de vue féministe implique de respecter à la fois la complexité émotionnelle du processus et les principes d'autonomie, d'émancipation et d'égalité. Le féminisme, dans ce contexte, peut offrir des ressources et des perspectives pour se réapproprier son bien-être après une rupture. Voici quelques rituels et approches possibles pour traverser cette épreuve. 1. Réaffirmation de l'autonomie. Reconstruction de soi. Après une rupture, il est important de renouer avec soi-même. Cela peut inclure des activités qui nourrissent l'estime de soi et permettent de retrouver son indépendance émotionnelle et pratique. Par exemple, se redécouvrir à travers des hobbies, des projets personnels ou professionnels. Le féminisme prône l'indépendance et le droit de se réaliser pleinement en dehors de la dynamique relationnelle. Je m'y mets. Oui, concrètement, quand genre je me suis séparée, oui, concrètement, je me suis mis hardcore dans la lutte antifasciste parce qu'il y avait des néo-nazis qui menaçaient l'endroit dans lequel j'ai grandi. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, j'étais là. Ah, les mecs nazes, extrêmement nazes, le patriarcat, les néo-nazis. En fait, ils étaient complètement dans... Tu vois, c'est comme s'ils cristallisaient ça. Du coup, oui, en hobby, je dirais que j'ai fait ça, j'ai pris ce hobby très à cœur d'organiser la riposte antifasciste, quoi. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu me reconnecter avec mes émotions et avec les choses qui étaient vraiment importantes dans ma vie, à savoir défoncer les faf et tous les gens qui pensent avoir à un moment la légitimité d'oppresser les autres et qui pensent que c'est dans l'ordre naturel d'oppresser les choses. Oui, je coche cette case, reconstruction de soi par les hobbies, je dis oui, je valide. Conseil de l'intelligence artificielle. Écrire pour se réapproprier son histoire. Écrire un journal intime, des lettres non envoyées ou des poèmes pour exprimer ce que l'on ressent et comprendre les raisons de la rupture peut être thérapeutique. Cela permet de prendre de la distance tout en traitant les émotions. Écrire pour se réapproprier son histoire, mais bien entendu, on a mis ça en commun ensemble pendant une incroyable, iconique session de syndrome prémenstruel à peu près commun. On avait toutes les deux un gigasum et comme il faut considérer les SPM non seulement comme un moment où tu en chies ta mère parce que voilà tes hormones te font ça, mais plutôt comme un moment aussi d'introspection profonde et en fait que si t'as les gigaboules en fait envers la terre entière, c'est bien, il y a des raisons pour ça et qu'en fait à ce moment précis du mois, genre c'est le moment où tu peux te connecter intimement à cette rage intérieure qui t'habite. Et donc c'était effectivement un moment idéal pour mettre en commun les poèmes que nous avions écrits, chacune de nos côtés, sur nos histoires d'amour les plus éclataxes au sol. Je valide. Pour poursuivre sur ce thème des histoires éclatées, avant de poursuivre les conseils d'une IA pour se remettre d'une rupture, On va écouter encore de la pop que je ponce beaucoup. Sally, JFLA. C'était donc Sally, JFLA, à propos d'histoire d'amour problématique ou de rupture compliquée. Conseil d'une intelligence artificielle. Délégitimation des normes patriarcales. Libération des stéréotypes sociaux. Le féminisme critique souvent la manière dont la société valorise certaines dynamiques relationnelles, comme la compétition entre femmes ou la notion que le bonheur passe par une relation amoureuse. Cela peut être un moment pour remettre en question les idées reçues sur l'amour, le couple et la dépendance émotionnelle. Rituel de rupture avec la pression sociale. Par exemple, célébrer le fait d'être célibataire en organisant une soirée entre amis ou une activité personnelle significative. Le célibat n'est pas une tragédie, mais une opportunité d'épanouissement personnel et de solidarité entre femmes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, ça fait bizarre de l'entendre lisser comme ça, par chat, alors que tu l'as éprouvé par l'épreuve du feu dans ta chair, quoi. Tu te dis, bon, chat, va jusque-là. Je crois que ça me blase un peu. Soit. Mais même dit comme ça sonne un peu schlag, alors qu'en fait, c'est un récit féroce. Le temps passe et je me dis, cite-moi un couple, cite-moi genre, ok, peut-être plus de deux couples, de tous ceux qui t'entourent, où il n'y en a pas un qui dévore l'autre. Et en général, dans les couples hétéros en particulier, l'homme qui dévore sa partenaire. Cite-le-moi. Donc oui, j'espère que le célibat n'est pas une tragédie, je pense que le couple hétérosexuel est une tragédie. Une tragédie commune et que en fait on s'enfonce dedans et on remue le couteau à la plaie et on continue. Déprimons ensemble. Moi, je sais pas si ça me déprime, je crois que je suis juste en mode nique ça. Quand on oscille entre déprimer et danser, on peut faire les deux en même temps. Merci pour la découverte, Joyce. Premier morceau écouté en 2025, c'est le groupe De Nuit. De nuit, le titre Cendre. Conseil de l'intelligence artificielle. Rituel de renouveau personnel, rituel de soins corporels et émotionnels. Le féminisme valorise le soin de soi, non seulement sur le plan physique, mais aussi mental. Cela peut inclure des pratiques comme le yoga, la méditation, des bains relaxants, des moments de détente, ou même un changement de look, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle garde-robe, pour marquer un nouveau départ. Retraite ou voyage, partir en voyage seul, dans un lieu qui vous inspire ou vous ressource, peut être un moyen de créer un espace de rupture radicale avec le passé et d'investir dans son propre cheminement. Le voyage seul est une manière de revendiquer son indépendance et de se retrouver en dehors des attentes sociales. Dit comme ça a l'air super chiant. C'est vraiment super chiant. En fait, on crame le patriarcat, c'est ce qu'on fait, et avec ça, le capitalisme. C'est comme ça, c'est ça le problème aussi. Et en fait, tout ça, ça manque d'anecdotes pour être intéressant. Je pense que globalement, danser ensemble à la pleine lune en maudissant Emmanuel Macron pour le jour du Nouvel An était une plutôt bonne expérience, par exemple, dans mon cas de célébration. On écoute tout de suite Poupard, Je t'aime pas tant. Je t'aime pas tant. Conseil de l'intelligence artificielle. 5. Analyse de la relation. Réflexion critique sur la relation. Le féminisme invite souvent à une analyse critique des dynamiques de pouvoir dans une relation. Cela pourrait être un moment pour se demander si la relation était égalitaire, si des schémas de contrôle ou de manipulation ont été présents, et ce que cela a révélé de ses propres limites et attentes. L'introspection, quand elle est bienveillante et sans auto-accusation, peut permettre de mieux comprendre ce qui a fonctionné ou non et de sortir renforcé de l'expérience. Thérapie ou groupe de parole. Consulter un thérapeute féministe ou participer à un groupe de parole peut être une manière de déconstruire les notions de dépendance affective et de mieux comprendre la dynamique de la relation. Ces espaces offrent la possibilité de libérer ses émotions tout en obtenant des outils pour reconstruire son autonomie émotionnelle. 6. Rituel symbolique de fin de relation. Brûler ou jeter des objets symboliques. Un geste symbolique qui peut faire sens est de se débarrasser des objets liés à la relation, comme des photos, des cadeaux, des vêtements, pour marquer la fin de cette période. Cela permet de tourner une page de manière concrète et symbolique, sans pour autant effacer les souvenirs ou l'expérience. Créer une œuvre d'art ou un projet créatif. Cela peut être un moyen d'examiner la douleur, la colère ou la libération. Peindre, écrire, composer de la musique ou même créer un collage peut permettre de transformer les émotions en quelque chose de productif et de significatif. Les paragraphes de chat sont vraiment un peu plats. On dirait qu'à la fin, en fait, on va aller bien. Mais en fait, moi, l'objectif, c'est juste de grève des mecs. Tant qu'ils sont pas mieux, en fait, ils nous méritent pas. Du coup, et en fait, on va ni leur donner nos corps de rêve, nos cœurs tout doux, ni l'incroyable nourriture qu'on fait, ni le soutien émotionnel merveilleux qu'en fait on apporte, ni notre intelligence, ni notre merveilleuse sensualité. Donc en fait, ils peuvent juste aller se faire cuire le cul. Et en attendant tout ça, je donne ça aux copines. Parce qu'ensemble, encore une fois, on va détruire le capitalisme, comme ça. Un petit plat après l'autre, avec suffisamment d'énergie, pour en fait ne plus concentrer nos énergies dans le fait de faire tourner des couples où en fait on est les seuls à les faire tourner. ou presque. Non, on va dire les seuls en vrai. Soyons un peu plus radical que ça. Faut quand même pas pousser. Je me dis que si on redirige toute cette énergie-là qu'on avait redirigée autrefois vers nos cums, et mon Dieu, qu'est-ce qu'ils en prenaient. Mon Dieu. Eh bien, en fait, ça va être vraiment beaucoup plus simple pour faire la révolution. Tu vois, on sera genre suffisamment bien nourri, on sera bien étiré, on aura bien dormi, on sera en forme, on s'en sentira soutenu. Et aimé, en fait, comme tous les gars qui arrivent à faire des carrières entre eux. Sauf que genre, nous, là, le but, c'est pas de faire carrière, c'est de tout cramer. On va écouter Cardio de Lailis. Par la Google, ma tête est malade. Dans le récit de ma vie, trop de errata. Quand on s'excuse, je veux plus dire, c'est pas grave. Il faut rendre sa noblesse au mot escapade. Escaperait, histoire d'amour, faut refaire le cardio. Fleur fanée dans le caniveau. Fanny repartit les mains vides du casino. On m'a menti, c'est les princes qui deviennent des crapauds. De toute façon, je ne suis pas une princesse. De toute façon, il fallait bien qu'un jour ça cesse. De toute façon, j'ai mordu à l'hameçon. Donc ma vie tient plus qu'à un fil. J'ai retenu la leçon. A-t-on déjà fait un pacte avec un ange, hein? J'aurais dû m'en douter, c'est le diable qui danse sur le banc quand le DJ met un slow. Ma vie en futuring, je me retrouve en solo. J'ai avalé des chenilles pour des papillons dans le ventre. J'ai déterré ma vie de jeune fille. Elle revient en rampant. J'ai avalé des chenilles pour des papillons dans le ventre. J'ai déterré ma vie de jeune fille. Elle revient en rampant. Ah ou, ah ou. Pourquoi la vie n'a pas de goût? Ah ou, ah ou. Je vais te niquer avec amour. Ah ou, ah ou. Pourquoi la vie n'a pas de goût? Ah ou, ah ou. Je vais te niquer avec amour. J'ai ravalé mes larmes, maintenant j'ai trop de sel dans le sang, tout va trop lentement. J'ai appuyé sur pause, j'ai appuyé sur la play. J'ai cherché les pansements, tout passe avec le temps, hein. J'attends bêtement, noirs sont mes vêtements. Réconfort dans le bercement des proches. Quand je dis ça va, c'est que je mens. J'ai des mouchoirs plein les poches. Je suis quelque part entre le crépuscule et l'aurore. Le goût de cramé, j'avais pas senti l'odeur. Avancer toujours tout droit et le mot d'or. J'ai mal de mer, mal de terre, j'ai mal au cœur. Dans le crâne, les pensées veulent pas que je dorme. Je rêve d'indépendance comme Barcelone. J'apprends mes erreurs, j'ai pas de remords, j'aiguiserai mes canines pour qu'elles sachent mordre. J'ai avalé des chenilles pour des papillons dans le ventre. J'ai déterré ma vie de jeune fille. Elle revient en rampant. J'ai avalé des chenilles pour des papillons dans le ventre. J'ai déterré ma vie de jeune fille. Elle revient en rampant. Ah ou, ah ou. Pourquoi la vie n'a pas de goût? Ah ou, ah ou. Je vais te niquer avec amour. Ah ou, ah ou. Pourquoi la vie n'a pas de goût? Ah ou, ah ou. Je vais te niquer avec amour. C'était donc Cardio de Lailis. Conseil de l'intelligence artificielle. 7. Affirmer ses besoins et ses désirs futurs. Rituel de réécriture de soi. Après la rupture, prendre un moment pour se reconnecter à ses désirs personnels, à ses objectifs de vie, à ce que l'on veut dans une future relation, si l'on choisit d'en avoir une, ou dans sa vie en général. Réécrire son propre contrat avec soi-même en se concentrant sur des valeurs d'égalité, de respect, de soutien mutuel et d'épanouissement personnel peut aider à donner une nouvelle direction à sa vie. Célébration des libertés retrouvées. Un rituel féministe de deuil pourrait aussi être celui de célébrer la liberté retrouvée, même si elle est accompagnée de tristesse. On pourrait par exemple organiser une soirée empowerment avec des amis en écoutant des musiques féministes, en partageant des récits inspirants de femmes qui ont surmonté des épreuves et en réaffirmant sa propre force intérieure. En résumé, faire le deuil d'une relation amoureuse d'un point de vue féministe consiste à se libérer des attentes patriarcales, à se réapproprier son histoire, à entretenir des liens de solidarité et de sororité, à renforcer son autonomie et à reconstruire un projet de vie qui soit à la fois libre et épanouissant. Cela passe aussi par un respect total de ses propres émotions et besoins, dans un processus de guérison qui soit affirmatif et non réducteur. Bon, je voulais juste rajouter un truc, et ça va être niais et tout, mais tant mieux. Pour moi, le fait de vivre sans être en couple pendant toute cette année-là, je pense que ça m'a fait découvrir un amour plus grand. En fait, la compilation d'anecdotes sur toute notre année. C'est ça, le vrai grand amour, celui qui est tout, en fait, qui est grand, parce qu'il est littéralement grand, parce qu'il prend toute ta vie, tout le temps, tout l'espace, et c'est pourquoi tu te lèves le matin. Mais c'est pas, en fait, celui que tu vas dédier à une seule personne qui, en fait, est tellement mieux que toutes les autres personnes. Et que tu es la seule personne à mériter dans ta vie. Il y avait encore une citation de Bell Hooks qui m'a heurté en plein cœur, mais comme beaucoup de ses textes, où elle dit, et je vais le résumer extrêmement mal, l'amour c'est pas quelque chose pour lequel on doit se battre et qu'on doit mériter, c'est comme une table à laquelle on peut toujours s'asseoir. Et voilà, en fait, aimer c'est un choix, c'est une pratique quotidienne, c'est le fait d'être là, d'être présent pour ses potes et pour ses amis, pour ses amours aussi peut-être. C'est pas le, le romantisme fou, et en fait c'est dans nos, je pense dans nos cultures latines occidentales, je sais pas, on a vraiment cette vision d'un amour pour lequel tu te perds corps et âme, qui doit te consumer. Et en fait ça en particulier quand t'es une meuf mettons, mais aussi quand je pense t'es handicapée, pour moi aussi quand t'es une personne racisée, quand en fait tu, en plus de ton genre, tu as des choses qui te mettent dans un, dans une catégorie de population où t'es systématiquement oppressée. Ça te fait accepter les violences, en fait. Tu te dis, mais ça te met toujours dans une situation où tu espères que les gens vont se conformer à ce grand idéal. Et en fait, bah, du coup, ça anesthésie en toi toutes les alertes. Qui fait que bah genre tu subis les des oppressions qui sont systématiques, que genre toutes les potes qui sont dans la même situation que toi vivent, et en fait tu te dis mais non mais c'est l'amour et tout, et ça c'est parce qu'on croit dans ce truc chevaleresque et consumant, et qu'en fait je sais pas, moi vraiment je le savais avant, mes relations qui durent le plus longtemps c'est avec mes amis qui ont toujours été là dans les moments où j'étais nulle, les moments où j'étais bien, dans les moments où j'avais honte, dans les moments où j'étais juste bof, dans les moments où c'était salut comme un lundi. Et en fait, c'est, ouais, c'est vraiment ce truc de pratique quotidienne, des copines qui envoient des messages un peu souvent, donnent de leurs nouvelles, prennent des tiennes, et que du coup, en fait, tu sais de quoi tes potes ont besoin, et toi, tu peux être là pour elles. Tu sais leur plat préféré, tu sais la journée qui va être compliquée, tu peux leur envoyer un petit message. Tu sais quand elles sont vraiment trop explosées, qu'elles arrivent, qu'elles ont du mal à cuisiner, et que du coup, bah genre tu peux faire les courses pour elles, ou leur préparer à manger, ou rattraper un truc tu sais qu'elles ont oublié à la maison ou chez toi. Enfin, et en même temps être organiser des fêtes ensemble. Mais en fait, voilà, c'est pas une longue attente, tu vois, le reste que cet amour-là, c'est un truc qui te, que tu peux garder au chaud, dans ton cœur tout le temps, et auquel tu peux te référer tout le temps quand t'es en doute ou quand tu te sens pas bien. Et c'est ce qui permet de s'émanciper, vraiment. Ça y est, nous avons fait le tour des conseils d'une intelligence artificielle pour faire le deuil d'une relation amoureuse. Merci beaucoup à la commentatrice Delphine. Une dernière petite remarque, la question que nous avions posée à l'intelligence artificielle était quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse avec une perspective féministe, mais nous n'avons pas demandé que ce soit des conseils qui s'adressent aux femmes. Pourtant, directement, on dirait que ces conseils sont pour les femmes, alors que nous sommes toutes et tous concernés pour ces questions de comment est-ce qu'on se remet d'une rupture. C'est un drôle de biais, et on remarque aussi qu'il y a cette idée de se rapprocher par exemple de son réseau de soutien, et que là, il ne parle, il ou elle, l'intelligence artificielle, ne parle que des sœurs, des amis, des amitiés féminines. Bon, ça serait bien aussi quand même que le care ne repose pas tout le temps sur des femmes. Je vous laisse sur une reprise de Only Love Can Break Your Heart du groupe Saint-Étienne, même si on sait bien que c'est pas vrai. Information, Cécile a une souris maintenant, donc ça devrait aller avec Delphine. pour faire le deuil d'une relation amoureuse. Quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse? Quand j'ai une peine de cœur, soit je pars seule dans la montagne et je crie, soit je vais crier sous l'eau. Et aussi, je peux écouter, je pense, 25 000 fois Françoise Hardy. Si dormir avec toi n'est pas le bout du monde, ce le devient pourtant dès que tu n'es plus là. Une vie près de toi risque d'être bien longue, mais loin de toi c'est pire, elle n'en finit pas. Quand dans notre maison nous échangeons nos rêves, il arrive souvent que tes rêves m'ennuient. Et puis je m'en repars vers des villes nouvelles, où je m'ennuie de toi au bout de quelques nuits. Peut-être que je t'aime, peut-être que je t'aime. J'ai appris que le ciel me plaît moins que tes yeux. Lever les yeux au ciel, il me faudra toujours les oublier un peu, tes yeux, si tu veux qu'autre chose toujours me les rappelle. Et sinon, l'hiver, vert, tu penses à quoi, Jamais en finir. Soupe des funérailles. La soupe des funérailles changeait des soupes de tous les jours. Préparation, 55 minutes. Deux pommes de terre, deux carottes, une betterave, deux petits navets, un quart de chou, 300 g de bœuf haché, 200 g de spaghettis frais, 150 g de riz. Dans une marmite en fonte ou sur un fourneau, faites cuire à feu normal puis doux. Une multitude de morceaux de légumes épluchés et coupés le plus finement possible dans 3 litres d'eau pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, faites des petites boulettes avec la viande hachée et faites-les cuire à la poêle ou sur une plancha pour les dégraisser au maximum. Salez, poivrez, lavez le riz à plusieurs eaux pour ôter l'amidon, ajoutez le riz et les spaghettis et laissez cuire environ 10 minutes. Ajoutez les boulettes dans la soupe et servez aussitôt. Alors, je viens de vous lire un extrait de La cuisine de la consolation, un livre de Stéphanie Schwarzbrod. qui en fait recense des récits et des recettes autour de la consolation et de la cuisine. Ce livre commence par l'histoire de ravioli qu'une fine cuisinière avait réalisé avant de mourir. Elle en avait fait plein de petits paquets comme ça, et en fait, elle les avait congelés, et quand elle est décédée, ses amis se retrouvaient chaque année pour manger les raviolis de cette dame. À travers 25 récits, cette autrice nous amène donc dans mille et une façons dont les rites culinaires permettent de créer du lien avec celles et ceux qui ne sont plus là. C'est boire un petit porto dans les tout petits verres de ma grand-mère. Éplucher ses carnets de recettes. Une fine cuisinière qui ne détaillait pas beaucoup ses recettes, je peux vous en citer une. Bigorneaux. Cuire les bigorneaux. C'était ce niveau de détail. Ce sont celles et ceux qui se consolent en préparant le plat préféré de leurs défunts. Ce sont des repas gargantuesques faits de salades et de pot-au-feu géants pour célébrer le décès d'un proche. C'est Nico et ses bols et ses petits Pères Noël qu'il invoque en période des fêtes. C'est les petits plats apportés aux endeuillés pour leur apporter du réconfort. C'est mon amie Camille qui mange des glaces en pensant à Gris-Gris. C'est la nourriture déposée sur les autels pour régaler les morts. C'est des repas faits sur les tombes. Tout ça, c'est à retrouver dans ce livre magnifique qui s'appelle « La cuisine de la consolation ». Il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de récits. Et c'est grâce à mon amie Anna qui se lance dans un recueil des cuisines qui consolent que j'ai pu découvrir cet ouvrage magique. Je ne pouvais pas parler de. L'exemple de sel en était un, et puis. Je ne pouvais pas parler de cuisine et consolation sans parler de Ryoko Sekiguchi, qui a écrit sur le lien entre la cuisine et les fantômes, notamment dans Manger fantôme, mais également dans Dîner fantasma. Je vais vous en lire un extrait. Donc, Dîner fantasma, ça a été écrit par Ryoko Sekiguchi et Felipe Ribon. Ce sont des personnes qui mettent en place des repas de spiritisme. Note sur la sortie au restaurant. Depuis que nous avions commencé ces dîners de spiritisme, la pensée de ce rêve de ma grand-mère ne cessait de m'accompagner, à tout instant, à chaque pas, dans les moindres ruelles de Rome. Dans mes rêves, je la retrouvais d'ordinaire chez elle et elle ne mangeait rien, excepté cette fois-ci, où elle était au restaurant avec moi. Si tel était son désir, j'aurais beau faire tous les plats possibles et imaginables de la maison, elle ne reviendrait pas. Il est tout à fait envisageable que certains préfèrent aller au restaurant plutôt que chez un particulier, lors d'un dîner de spiritisme. Après toutes ces divagations, voici la recette que nous avons inventée. Attention, elle est assez délicate à réaliser et je parle d'expérience. Choisir un restaurant ou un restaurant du choix de l'invité selon ce qu'il aimerait manger. Le cadre importe peu, luxueux, populaire, de cuisine traditionnelle ou inventive, proposant des spécialités de pays peu connus, au décor épuré ou plutôt kitsch. Je suppose que même dans un cadre insolite, pourrait convenir, tout dépend de l'invité. D'après mon expérience avec ma grand-mère se régalant d'un bol de nouilles dans un restaurant chinois, contre ses habitudes, je pense que tout est possible. Prévenir le restaurant lors de la réservation d'ajouter un couvert au nombre des convives. Si vous invitez deux personnes de l'au-delà, ajoutez un couvert supplémentaire. Seulement, puisqu'un invité requiert déjà beaucoup d'attention et une concentration particulière, mieux vaut commencer par un unique invité de l'au-delà. Se rendre au restaurant, commander des plats pour les fantômes, si possible, demandez-leur ce qu'ils veulent prendre, déguster les plats avec eux autour d'un verre ou sans, mais attention, l'eau est proscrite pour les raisons exposées dans une autre note. Sans doute, pour commencer, vaut-il mieux se rendre dans un restaurant familier, ne serait-ce que pour faire comprendre aux personnes qu'il y a bien des invités, certes invisibles, mais tout de même réels. Certains clients réceptifs aux mêmes ondes que vous pourraient s'apercevoir que vous accueillez des invités spéciaux. Lancez-leur un regard bienveillant mais catégorique, ne pas déranger, compris ? C'est un moment important que nous sommes en train de partager, vous devez le comprendre mieux que quiconque, n'est-ce pas ? Par ailleurs, le restaurant étant un lieu ouvert au public, on court le risque d'attirer d'autres fantômes qui n'étaient pas invités. Ce sont des choses qui arrivent. Vous aurez la courtoisie de commander d'autres plats pour ces personnes, l'hospitalité étant de vigueur, pour la bonne marche de nos opérations. Et là, je vais vous laisser en compagnie de Ryoko Sekiguchi elle-même. L'exemple de sel en était un, et puis aussi donc un coq pour Obon, pour accueillir nos familles, les membres de la famille, on veut les voir plus vite que les autres, bien sûr. Et donc, on fabrique les véhicules, mais avec les aubergines et les concombres. Donc, que vous pouvez faire vous-même avec les baguettes en mettant, en fait, sur les légumes. Et donc, ça fait, vous voyez, enfin, vous voyez, c'est bizarre de dire vous voyez à la radio, mais ça fait une sorte de d'animaux. Vous imaginez très bien, enfin, les quatre pattes faites avec les baguettes. Et en montant sur ces animaux, vos grands-parents reviennent chez vous. Et je trouve que c'est intéressant qu'encore une fois, la nourriture est là, parce que bon, on pouvait tout à fait faire ces véhicules avec les bois, mais toujours est-il que moi, c'est l'aubergine et les concombres. Est-ce qu'il y a d'autres légumes qui permettent de véhiculer l'âme, l'esprit et la présence des ancêtres dans une famille ? Traditionnellement, non. Mais justement, nous avons inventé un véhicule qui va plus vite que les autres, parce que c'est tonique, et c'est petit, et c'est luisant, ça roule vite, et c'est avec le peperoncino. Ah, vous voyez, c'est notre pellarine. Comment appelle-t-on ces légumes ? Oula, donc aubergine, c'est nasu, et donc concombre, tuli, c'était aubergine qui symbolise la vache, et puis concombre, le cheval. Parce que quand ils reviennent, on veut les retrouver très vite. Donc, on envoie le cheval. Et puis, quand ils repartent, bah, on veut qu'ils prennent le temps. Donc, voilà, ça sera avec la vache. Et bienvenue sur Radio Dio pour une super saison d'enfer, épisode 1. Amour à mort. On n'y comprend rien. Rien. Je veux dire, personne ne veut rien y comprendre. Moi, j'ai assisté d'abord, ça a commencé dans sa chambre, avec où je dors avec elle. Et ça a commencé par des brocs qui volaient, on l'était arrosés, chacun à son tour. Le tiroir d'une petite table de nuit qui a volé à plusieurs reprises, toujours dans sa direction. Et des objets religieux aussi. Voilà, les objets religieux, toutes les Saintes Vierges de Notre-Dame de Lourdes, de Christ. Il y a des choses, disons, un petit peu extraordinaires, dans ce sens qu'elles sortent de l'ordinaire. À vue traversée, hein, la fourchette a disparu du plat et s'est retrouvée sur la tête du jeune homme, c'est tout. Il est venu venir à la maison, oui. Chambre, il y a des meubles qui bougeaient tout seuls, des draps qui se tiraient, ou bien on entendait des voix, des bruits de porte, des grincements, des grognements. Des chaises qui volent, des cailloux en lévitation, des manifestations étranges. Nous sommes dans une extraordinaire maison. Bienvenue au voyage dans l'inexplicable. Avez-vous peur des fantômes qui s'amusent, qui s'amusent? Avez-vous peur des fantômes qui s'amusent toute la nuit? Ma cousine a reçu un Christ dans le dos, moi j'ai reçu une Sainte Vierge dans la figure. Sa simple présence suffisait à lui donner un sentiment de terreur paralysante. Oui, vous avez raison, ça sent le cadavre. Moi je pense qu'au-dessus il doit y avoir Bon bref. Je suis pas très à l'aise dans cette salle. Je ne sais pas qui c'est ou ce que c'est, mais nous avons tous les deux vu la même chose. Nous allions nous coucher, nous avons trouvé un lapin sur le lit ici et un autre ici. Puisque c'est l'Halloween, moi et ma copine allons faire une compétition pour savoir qui construira la meilleure maison hantée en 24 heures. Voici mon côté et voici le côté de ma copine. Le défi commence dans 3, 2, 1, c'est parti! À coups de tisonnier dans l'escalier. Pourrait avoir un champ magnétique qui peut faire se déplacer les objets dans une maison. Mais ça ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes violents qui ont pu se passer dans la maison. Purifier les lieux avec de la sauge blanche, de l'encens ou en récitant des prières protectrices. Non, ça ne m'empêchera pas de dormir encore. Les intelligences particulières, enquête dans les maisons hantées, de Grégory Delaplace, paru chez Vue de l'Esprit. Il est des maisons qui semblent devoir parler. Elles s'animent, se bousculent, accueillent des présences ambiguës, inconnues, peut-être indues. Elles affirment vis-à-vis des autres maisons, de leur quartier, face à leurs habitants surtout, une autonomie, comme si, en somme, elles refusaient soudain d'être l'abri serviable et discret que ces derniers voudraient les voir simplement redevenir. Des bruits frappés sur les cloisons, avec une force surhumaine, dans le calme de la nuit, alertent les dormeurs de drames invisibles dont ils finissent par se résigner de ne jamais pouvoir surprendre l'auteur ou constater la cause. Des sensations menaçantes ou terrifiantes courent le long des corps, au travers ou même en dessous de l'illusoire protection des draps, frôlement, pincement ou pression qui remonte du torse jusqu'au visage, comme un câlin félin ou canin, qui, en l'absence de chat ou de chien, devient proprement paralysant. Des odeurs familières émanent d'un endroit précis où elles ne sont pas à leur place et où, bien que passagères, elles sont l'indice sûr d'une présence incongrue, d'un « quelqu'un » donc, et pas seulement d'un « quelque chose ». Et bien sûr, il y a ces silhouettes aperçues, bientôt disparues, au détour du couloir ou au pied du lit. Elles semblent absorbées dans d'incompréhensibles tâches. Elles passent des portes inaccessibles, s'obstinent au contraire à offrir des fenêtres verrouillées, brandissent des armes ou fixent leurs interlocuteurs désemparés d'une expression figée, en laquelle le temps lui-même semble s'arrêter. Les humains ne sont pas les seuls à les voir, à les sentir. Les chiens aboient, les chats feulent et s'enfuient. Ce qui apparaît en un lieu concerne toutes celles et ceux qui l'habitent, bien que certains individus particuliers semblent plus sensibles que d'autres à ces présences. On a pris l'habitude d'appeler ces maisons « hantées » et de reconnaître aux morts le pouvoir de leur donner vie. La possibilité qu'une maison soit habitée par des revenants ou d'autres occupants invisibles, dont on ne sait plus décider s'ils sont les hôtes ou les invités des humains vivants qui jusqu'alors se pensaient maîtres des lieux, semble aussi ancienne et répandue que les maisons elles-mêmes. Cela dépend évidemment de ce qu'on choisit d'entendre par « maison ». Les habitats prennent des formes diverses, qui toutes ne sont peut-être pas également hantables. Renversons notre perspective donc, et risquons cet axiome de théorie architecturale. Ce qui définit une maison en tant que forme d'habitation, c'est sa hantabilité. Pour le dire enfin un peu brutalement, les historiens trouvent des maisons hantées un peu tout le temps, et les ethnographes un peu partout. En retour, chaque société humaine, à chaque époque de son histoire, semble disposer de moyens propres pour libérer les lieux de ses emprises, quelle que soit la façon spécifique dont elle conçoit ces dernières ou la place à laquelle elle entend confiner ses défunts. Et chaque famille hantée, par ailleurs, semble déployer à bas bruit de petites tactiques pour cohabiter, autant et aussi longtemps que possible, avec ces êtres qui restent ou qui reviennent. Dans les travaux des uns et les travaux des autres, il est désormais convenu de conclure de l'examen d'une période et d'un lieu particulier de hantise, que l'avènement d'un matérialisme moderne et surtout l'adoption d'un rationalisme scientifique n'ont rien fait, dans l'histoire de l'Europe notamment, pour réduire l'importance des fantômes et annuler la possibilité que des maisons fussent hantées. Au contraire, plus les humains se dotent de moyens sophistiqués pour explorer l'invisible, plus semble grandir l'espoir de pouvoir enfin comprendre et documenter les présences domestiques des morts, ou plus généralement les comportements déviants des maisons. Il est question dans ce livre d'un moment de l'histoire de l'Europe, un moment désormais bien documenté, où la science investit intensément l'étude des maisons hantées. Ce siècle, approximativement compris entre 1850 et 1950, où le spiritualisme moderne a semblé pouvoir promettre de livrer enfin la clé de ces phénomènes extraordinaires que la physique, la physiologie, ou même une partie de la psychologie naissante se refusaient à reconnaître comme fait. Camille Flammarion, célèbre astronome français de la fin du 19e siècle et du début du 20e, frère du fondateur de la maison d'édition éponyme, a été l'un des plus fervents promoteurs en France de cette branche du spiritualisme moderne, les sciences psychiques, qui a cherché à se confronter au problème des maisons hantées du point de vue le plus strictement scientifique, afin de départager parmi ces phénomènes ceux dont l'authenticité incontestable pourrait permettre d'accéder enfin à une connaissance élargie du monde. À la fin de son petit livre enthousiaste sur les maisons hantées, dont est tiré l'exergue de cette introduction, Flammarion pense ainsi déjà pouvoir conclure. Il y a, dans la nature, dans la direction de la vie terrestre, dans les manifestations de l'instinct chez les végétaux et chez les animaux, dans l'esprit général des choses, dans l'humanité, dans l'univers cosmique, partout, un élément psychique qui se révèle de mieux en mieux à travers les études modernes, notamment par les recherches d'ordre télépathique et par l'observation des phénomènes inexpliqués dont nous nous sommes occupés dans cet ouvrage. Cet élément, ce principe, est encore inconnu de la science contemporaine, mais comme en bien d'autres cas, il a été deviné par les anciens. Je n'invente rien. Prouver l'existence de l'élément psychique semblait alors à portée de main, et les phénomènes de maisons hantées fournirent la matière idéale à cette démonstration. Force est de constater pourtant, un siècle tout juste après le livre manifeste de Flammarion, que les maisons hantées n'ont pas su tenir leurs promesses. Elles n'ont manifestement pas permis à la science psychique d'être admise dans le giron de nos sciences naturelles. Mon propos donc n'est pas de réitérer l'évidence maintes fois démontrée de la résilience des spectres face à l'apparente hégémonie d'un matérialisme occidental qui peinerait toujours à s'instituer pleinement. Il s'agit plutôt d'examiner de l'intérieur même des maisons hantées. Ce qui fait que la science, telle qu'elle est pratiquée en Europe au milieu du XXe siècle, et même lorsqu'elle consent à porter son attention sur les phénomènes de maisons hantées, échoue à se saisir des fantômes et à rendre raison de la matière ou des principes de leurs apparitions. Il s'agit par conséquent de montrer, par la description d'un certain nombre de situations de hantise, comment certains événements du monde prennent de court le savoir humain et mettent une certaine science en défaut. Mon propos, autrement dit, est de rendre compte de ce qu'il se passe dans les maisons hantées, en l'occurrence dans les maisons hantées anglaises de l'après-guerre, mais aussi de ce qu'il se passe ou de ce qui ne se passe plus lorsqu'on essaie de les soumettre à l'examen scientifique. Je m'appuierai pour cela sur un certain nombre de cas de maisons hantées qui ont chacun donné lieu à une enquête, dont le compte-rendu et les résultats permettent aujourd'hui d'en reconstituer le déroulement, c'est-à-dire de suivre les linéaments d'une expérience collective d'apparition. Rituel de séparation, planter un cycle amène, cycle amène. C'est quand c'est la fin d'un cycle. Il y en a qui font ça quand ils ont fini un amour. C'était une histoire trop belle. Quand je me suis séparée de lui et que j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris sur un papier tous les sales coups qu'il m'avait fait. J'ai marqué sur papier les sales coups qu'il m'avait fait. Premier sale coup, il n'était pas venu à l'enterrement de mon père, alors que moi j'avais besoin de soutien et que ça m'aurait fait plaisir. Et ça, c'était un gros sale coup. Deuxième sale coup, il s'est réveillé une fois au milieu de la nuit en dormant avec moi. Il est retourné dans sa maison mettre du feu et il n'est jamais revenu. Et puis, donc, j'ai noté ces sales coups sur un papier. Et je me suis dit que j'allais descendre au bord du Lignon parce qu'il y a un moment où ça bouillonne et ça bouillonne et ça bouillonne. J'ai déchiré des petits bouts de papier et je les ai balancés dans le Lignon. Et ensuite, j'ai planté donc ce fameux cyclamène. Bon, le cyclamène n'a pas passé l'hiver parce qu'il a gelé. Il a dû geler en mars-avril. Enfin, je ne l'ai plus jamais revu. Mais en fait, avant de jeter ce papier dans le Lignon, je me rappelle, j'ai dû jeter ça fin mai. J'ai attendu une crue et c'était vraiment super beau d'ailleurs. J'étais vraiment bien quand je l'ai fait. Avant de jeter ça, j'ai lu ce papier tous les matins. Et je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de défauts, mais ils étaient puissants. Voilà. Et n'empêche que plus jamais je n'ai aimé cet homme. Ça a été complètement terminé. C'était affaire classée. Voilà. Non pas une cold case, Colline. Une vraie affaire classée. Vous avez vos principes à défendre jusqu'à l'obstination, jusqu'au crime. Non conformiste? Je ne sais pas ce qui est conforme, alors je ne peux pas répondre. Provocateur? Pas exprès. Un peu? Pas par plaisir. Subversif? Par banalité. Allergique au pouvoir? En tous les cas, même au mien. Thank you. Je ne pourrais pas sortir un ou deux livres par an. D'abord parce que, pour moi, la poésie est une affaire d'intensité. Et on ne vit pas 24 heures sur 24 en état d'intensité. Thank you. Et alors là, on voudrait de nouveau voir s'établir un nouvel idéal humain. Un idéal qui offrirait aux êtres, peut-être pas nécessairement plus de loisirs, des loisirs on n'en a jamais, mais enfin plus de liberté d'activité et de choix, moins d'emprisonnement dans le travail, devenu sacro-saint, devenu une forme hypocrite de l'esclavage, puisque les gens ne font plus que ça, en sont obsédés, et que lorsqu'ils le quittent, parce qu'ils sont mis à la retraite, ne savent plus que faire, et meurent ou se mettent à jouer à des petits jeux inutiles. Et à la place de ça, on voudrait voir s'établir une espèce d'égalité humaine dans laquelle les êtres partageraient les tâches, les travaux, les plaisirs, tout simplement, en compagnon. Do you speak English? Non. Français un peu. Ah, c'est bien. Votre montre, là, marche à l'envers. Non, elle marche juste. C'est le monde qui marche à l'envers. Ah bon? Intéressant. Si on ferait marcher toutes les montres à l'envers, le monde ira à l'endroit. Oui. Alors pour moi, le rituel, ce serait de supprimer tout simplement le numéro de téléphone. Donc pour ça, bien sûr, faut pas le connaître par cœur, mais en tout cas, voilà, le supprimer. Et aussi ne plus suivre la personne sur les réseaux sociaux. Ça évite de le voir régulièrement et de se poser des questions sur ce qu'il fait, où il est, ce qui se passe. Voilà. Mais du coup, pour faire le deuil d'une relation amoureuse, moi, j'avoue que je trouve que le mieux, c'est sortir avec ses potes pour beaucoup, c'est parler avec ses potes, avoir des moments de tendresse avec ses potes, de même juste manger des trucs. Regarder une série, je pense que ça fait beaucoup de bien. En particulier quand c'est une série qui peut-être est douce ou alors qui a des aspects en mode vengeance. Je sais que moi, par exemple, il y avait une période où, du coup, les films d'horreur, ça me faisait mais grave du bien aussi par rapport à ça. Genre, c'est un peu ouf, quoi, mais il y avait un peu un truc de voir, par exemple, le serial killer à la fin se faire massacrer ou des trucs comme ça, où ça me faisait grave du bien, ce qui est ultra étrange niveau justice rétributive, mais what else, quoi. Mais du coup, des fois, c'est aussi cool, des petites recherches de storyline historique, de vengeance, des moments où des personnages méchants de l'histoire, en fait, se font désinguer, ou alors ont un retour de monnaie dans la gueule, quoi. Je trouve que c'est des moments qui font du bien. Ça permet, je pense, de purger un peu une violence que des fois on garde en nous parce qu'on est en mode « Mais wesh, tu me fais trop du mal, en fait !» L'espace, s'il le doit, sera tour à tour champ de bataille, salle d'attente. Bienvenue en Erev. Page de papyrus, scories, inferni, barricades, catacombes, Adès, location Airbnb, salle d'audience, Lamba, cabinet de psy, vous préférez. Les anciens racontaient que les enfers étaient un lieu souterrain. Un spectacle de la compagnie Et Maintenant, prose, récit d'une catabase. C'est un petit teaser que vous venez d'entendre. Vous pourrez les retrouver au Choc Théâtre le 20 et 21 mars prochain. Théâtre, vidéo et son. Alors pour la petite histoire, la définition de catabase, nom féminin, issu du grec ancien katabasis, désigne la descente. L'action de descendre est un motif récurrent des anciennes épopées, notamment grecques, traitant de la descente d'un personnage dans le monde souterrain, les enfers. Pensez pour nos morts. Aujourd'hui, on pense particulièrement à la famille de Pauline. On pense à Momo, Yann de Manufacture Errata, Thierry. Et nos pensées vont aussi pour saluer à l'hôpital et leurs proches. Pensée particulière pour Roméo. À venir. Concert à la Cale le 23 janvier à 20h30. Venez écouter Fleuve Noir, un groupe électro-rock psyché, et le duo Soleil Rouge en première partie. Toujours un concert à la Cale mercredi prochain, je ne sais pas le combien on sera, mais c'est le Skeleton Band qu'on a écouté tout à l'heure qui passe à 20h30. Venez. Oui, pour terminer... Excuse-moi. Bon, excuse-moi, Chloé. Pas de problème, t'inquiète pas. C'est toujours les mêmes. Allez-y, je vous en prie. Alors oui, merci. Alors, je vous conseille une chronique de la mort par Berenice Ogagno, qui s'appelle justement « La mort », et vous pouvez les trouver sur SoundCloud. Et moi, tout... Aussi un podcast à soi, l'épisode sur les morts, l'avant-dernier épisode, je crois. Et toujours à écouter... Je vous invite à écouter Terminus, mourir chez soi, de Joël Sambi. C'est une création sonore documentaire sur la mort et l'exil. Comment pense-t-on à sa propre mort quand on vieillit dans un pays d'accueil et d'adoption ? Joël Sambi et Nicolas Pommier sont allés à la rencontre de seniors congolais pour les interroger sur leur propre mort. Je continue sur les conseils d'écoute ? Oui. Allez, c'est parti. Alors, à écouter aussi L'amour de Comme un ouragan, une émission sur Radio Dio, à écouter sur le site, sur la plateforme de Radio Rageuse. Et c'est un essai de Libre Antenne sur L'amour. Et enfin, un dernier conseil d'écoute pour ma part, l'émission Sur le fil de Marseille à Radio Galère, qui a fait une émission en février 2024 sur les ruptures. La rupture, ça sonne mal quand on le dit. Comme beaucoup d'autres constructions de notre société, on a grandi avec une vision très morale de la rupture. La rupture comme échec, alors qu'elle est parfois nécessaire. Elle peut sauver comme détruire, parfois les deux en même temps. Je vous laisse écouter cette magnifique émission de cette team de rêves marseillaise. On nous a fait passer aussi une petite annonce pour un job. Donc merci à Gabi, je vais vous la lire parce qu'elle est quand même assez belle. Donc c'est une annonce pour être artiste des adieux avec style, homme, femme. Porteur funéraire, l'artiste des adieux avec style que nous recherchons. Notre client est une entreprise funéraire qui croit que même les départs méritent une sortie mémorable. Si vous avez le sens du spectacle et de la dignité, rejoignez-nous pour créer des adieux aussi élégants qu'un défilé de mode. Responsabilité, portez avec distinction les cercueils comme si vous défiliez sur un tapis rouge. Collaborer avec les familles pour personnaliser chaque service avec une touche unique. Être le maestro du dernier acte, combinant élégance et respect. Profil recherché, sens aigu de la prestance et de la dignité. Capacité à marcher avec assurance et élégance, même sur des sols inégaux. Débutant accepté. Avantage, uniforme de porteur fourni. Opportunité de formation pour perfectionner votre art de porter avec style. La chance de faire partie d'une équipe qui transforme les adieux en moments mémorables. Si vous êtes prête à apporter une touche de glamour aux adieux, envoyez-nous votre CV. Rejoignez-nous pour faire de chaque départ une performance digne d'un applaudissement final, car chez notre client, même les adieux sont une œuvre d'art. Eh ben, il me semble que ces petites annonces sont finies. Est-ce qu'il y a une autre petite annonce qui traînerait derrière une porte, sous un fauteuil? Je ne sais pas. Moi, je voulais juste dire une chose. Je voulais dire que ne cessez pas de lire la poésie, parce que la poésie et la beauté sauveront le monde. Voilà. On a changé de fête. Radio Dio, une saison d'enfer, épisode 1, Amour à mort, sur Dio. Paris est fait à ce matin, Ferrier ne lui réussit pas bien. Pardon pour le thème en amour, refusé jusqu'à non-retour. C'est même pas qu'on ne s'aime plus, c'est rien que la beauté qui se vautre. C'est même pas qu'on ne s'aime plus, c'est même plus qu'on en aime d'autres. C'est juste que juste avant l'amour, on se manque encore un peu. Et que juste après, plus jamais. C'est juste que juste avant l'amour, on se manque encore un peu. Et que juste après, plus jamais. De rien, elle prendra les devants, je sais bien. T'aurais pas le cran, pas les moyens. C'est toi le secrétaire, je m'en aime. Je vois rien. Garde la bougie, tout s'est éteint. Garde le meilleur, je m'en échappe. Je ferai des bouquets pour les autres. C'est pas de ta faute à toi. C'est pas de ma faute à moi. C'est rien que la faute au temps. Pas de bourreau, y'a pas de méchant. C'est triste, mais triste. Mais Paris est vide ce matin. Ferrier ne lui réussit pas bien. Pardon pour le thème, mon amour. Infusé jusqu'à non-retour. C'est même pas qu'on ne s'aime plus. C'est rien que la beauté qui se foutre. C'est même pas qu'on ne s'aime plus. C'est même plus qu'on en aime d'autres. C'est juste que juste avant l'amour, on se manque encore un peu. Que juste après, plus jamais. De rien, je prendrai les devants, je fais bien. T'aurais pas eu le temps, pas les moyens. J'ai tourné dans la cage, je t'aime. Regarde comment on devient. Tous ces gens que l'on aime. Parce qu'on ne s'entend plus quand on crée. Parce qu'on ne s'attend plus quand on joue. C'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute à moi. C'est rien que la faute à toi. Pas de bourreau, pas de méchant. C'est pas de ta faute à toi. C'est pas de ma faute à moi. C'est rien que la faute à toi. Rien que le temps, rien que le temps. C'est triste, mais triste. Mon pari est vide ce matin. Ferrier ne lui réussit pas bien. Pardon pour le thé, mon amour. C'est juste un non-retour. C'est même pas qu'on ne s'aime plus. C'est rien que la beauté qui se foutre. C'est même pas qu'on ne s'aime plus. C'est même plus qu'on en aime d'autres. C'est juste que juste avant l'amour, on se manque encore un peu. Et que juste après, plus jamais, plus jamais. Fait du bien, c'est de faire des trucs avec ses amis. Alors, soit il y a une bonne raison derrière, soit c'est juste un prétexte. Ça peut être faire une rando, du bivouac, organiser quelque chose, partir plus ou moins loin, peu importe. Mais passer du temps ensemble, de qualité. Puis comme ça, je pense que on se rend vite compte que les choses peuvent continuer de tourner de façon assez saine. Puis on peut continuer de partager de l'amour avec, avec tout un tas de personnes, que ce soit platonique ou pas. Et je pense que ça fait du bien. Ouais. Je pense que c'est chouette. C'est un moyen de voir que les choses vont continuer à aller bien. Bonjour. Alors moi, j'ai une petite croyance, plus qu'un rituel, je crois. C'est après une relation, de me couper les cheveux. Comme ça, je mets tout ce que j'ai vécu avec la personne. C'est du passé, enfin, ça n'existe plus. C'est comme si c'était un peu un renouveau. Voilà, c'est une sorte de rituel, de croyance. Voilà, et si j'ai une nouvelle idée qui vient, je vous rappellerai. À bientôt. Une saison d'enfer. Épisode 1. Amour à mort. Extrait de Le Chant de la Rivière de Wendy Delorme. Chaque histoire qui commence contient en elle les germes de sa trame narrative et de son dénouement. Suffit d'être attentive. Observer par avance où la faille va s'ouvrir. Guetter la vibration du tout premier séisme, voir la terre sous mes mains se lézarder un peu. Observer les zébrures qu'elle dessine au sol. Tenter d'anticiper sa profondeur future, car c'est précisément là où s'ouvrira la faille que naîtra la musique, que le récit vaudra la peine d'être conté. Parce qu'un amour heureux, et encore faudrait-il vraiment qu'il en existe des amours de cette sorte et qu'ils puissent durer, un amour qui serait absolument serein n'est pas du matériau dont on fait les récits. Avant de le voir en entier, André, j'ai vu d'abord son dos. Il y a eu le jour du dos. Comme il y a eu le jour du débarquement, le jour du Seigneur. C'était la première fois que je voyais un tel dos, en tout cas un dos aussi fameux. Et j'ai su, quand je l'ai vu, que c'était une vision décisive dans mon ventre, dans mes genoux, dans mes oreilles, il y a eu le résultat de la vision. Cette petite mollesse avant-coureur de mollesse plus grande encore. Et on est d'accord avec cette mollesse, on lui dit de venir, on l'accepte. En fait, on l'attendait. Ce jour-là, c'était déjà un jour spécial, un jour où, debout, on voudrait s'asseoir. Ce jour-là, donc, le jour du dos, le dos d'André, j'ouvre mes volets et qu'est-ce que je vois ? Un dos. Je me suis dit, déjà que je suis dans un jour spécial, c'est pas le bon jour pour me faire le coup du dos. Car il m'a fait le coup du dos. J'ai vu son dos nu d'homme et j'ai eu peur. J'ai fermé les yeux. Ce coup du dos, c'était un coup à perdre les pédales, et la petite mollesse du genou, elle s'est faite plus précise. Elle est passée du genou à mon corps en entier. Elle s'est généralisée. Ce matin-là, le matin où il me montre son dos, André, je me fais quand même mon café, et je le bois. Il y avait des mouches, d'août. Le silence de l'extérieur, le soleil chauffait la toile cirée de la table, ça sentait la toile cirée, ça sentait le café. J'ai constaté ça, à quel point ça sent bon le café et la toile cirée. Et puis je me suis méfiée de ce dos, je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, devant ma maison, de granit, avec son dos celui-là ? Donc, il met son dos à poil devant chez moi, c'était un très beau dos, je me suis dit, ça c'est un très beau dos, et j'ai eu peur. Et puis après, il se retourne, il fait celui qui est étonné de me voir, il ouvre la bouche en haut, les yeux de la même façon, et aussi sec, il enfile son tricot de peau. Plus de dos, genre. « Tu l'as vu, mon dos? Tu as bien vu? Eh bien, si tu veux le revoir, il faudra y mettre le prix. » Il a voulu ma chute, je vous le dis. Il a voulu. Le lendemain, j'ouvre mes volets. Et qu'est-ce qui était là, qui attendait? Le dos. Et il attache ses bras autour de ses genoux, et alors on ne voit plus que ça, son dos. Au cas où j'aurais pas su que c'était un dos de première qualité, là, je ne pouvais pas ne pas le voir. Un dos d'albâtre, après, je lui ai dit ça. Un dos d'albâtre. Et lui, rebouche en haut, et les yeux, même chose. Et il enfile son tricot de peau. Alors, moi, je pose ma tasse sur le rebord de la fenêtre, et la tasse tombe. Elle se casse. Et lui se retourne, et il fait « Oh, la tasse !» À partir de ce moment-là, nos destins étaient soudés. Du coup, pas de précipitation, pas de main tendue, non, rien. Il regarde la tasse cassée en bas de la fenêtre, moi aussi. Les mouches se rassemblaient sur la toile cirée, des familles entières de mouches. Ça sautillait, ça allait accueillir des mouches, des autres qui virevoltaient dans le cadre de ma fenêtre et re-rassemblement de mouches. C'est à cause des mouches qu'il s'est levé. Il y a eu une grande quantité de mouches en très peu de temps. Alors il vient vers moi, il marche comme quelqu'un qu'on regarde un peu trop, la bouche pincée, les épaules remontées et puis sourire. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas encore son nom, je lui donnais pas d'autre nom que Homme au dos, c'était l'homme au dos, et le lendemain, qui était le jour de la tasse cassée, qui s'est approché avec son fameux sourire, alors j'aurais pu dire « c'est l'homme au sourire ». Il souriait aussi des joues, et j'aurais juré que son front, du coup, avait été changé de couleur, qu'il avait éclairci. Ce sera la seule fois que j'aurais vu ce phénomène. Un sourire qui va du front en passant par les joues, après il va oublier de sourire. Ce sera même le contraire, ce sera la douleur uniquement. La douleur qui se peindra sur son visage. Après, il cultivera la douleur. À la mairie, et puis à l'église plus tard, quand j'aurai à mon tour fait mon manège, à moi, de séduction et de petits blabla, de mains pressées et de langues offertes, bref, tout ce qu'on fait en début d'une alliance, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien ensuite, à la mairie, j'ai cherché ce fameux sourire, en pensant au fameux dos, et je n'ai rien vu. Même pas des miettes de sourire, non, rien. Un visage si fermé que je me suis souvenu que j'avais eu peur dès le jour J du dos d'albâtre. Et à nouveau, j'ai eu peur, comme si je pressentais tout ce qui allait suivre. Donc, il a ramassé la tasse brisée et il a dit encore « Oh, elle est brisée !» Après le coup du dos, le coup du sourire, il m'a fait le coup de la voix. Il suivait son plan pas à pas, sans faillir. Il avait la bouche en haut, les yeux de même en haut et la voix. Ah, la voix. Une voix d'homme. Très vite, après la mairie, l'église, j'ai vu les premiers symptômes. Il y avait toujours la voix, le dos, tout ça parfait. Mais c'est dans les yeux que ça s'est manifesté. On croit qu'il vous regarde, mais il ne vous regarde pas. Il regarde où ? On ne sait pas. Et après les yeux, il y a eu le sourire. Il a fabriqué un autre sourire. Un qui tire la lèvre supérieure vers la droite. Mais la lèvre inférieure, elle reste à la même place. Est-ce que ça fait un vrai sourire, ça ? Non, ça cloche. Ce sourire-là, il le posait, il l'enlevait, il le reposait à tout hasard. On lui disait « Il est quelle heure ?» et lui, sourire posé. Il ne dit pas l'heure, il ne vous regarde pas. Il met par-dessus tout ma maison de granit. Je faisais des chèvres, des moutons, et j'avais ses champs, ses prés. Et il a commis cette horreur. Quand il est entré pour la première fois dans ma maison de granit avec les morceaux de tasse cassée qu'il avait ramassés, les mouches sont sorties. Ça m'a frappé une seule grappe de mouches, hop. Dehors, l'homme au dos entre et les mouches sortent, je me suis dit. Et voilà, il a fait peur aux mouches. Comme j'avais ma mollesse généralisée, j'ai su que j'étais vaincue. Et moi qui l'avais vu presque en entier, j'ai voulu le voir entièrement. Il s'est laissé faire, je me disais, incroyable un homme qui se laisse faire. C'est à ce moment-là où il se laissait faire que je faisais tout ce que je devais faire le mieux que possible, qu'il y a des funestes changements. Il regarde sans voir, il fait son sourire numéro 2, la lèvre supérieure tirée vers la droite, l'inférieure, elle, toujours à sa place. Le sourire numéro 1, je me demandais si je l'avais jamais aperçu. Or, je l'avais aperçu le premier jour, le jour du dos d'albâtre, et le deuxième jour, le jour de la tasse cassée. Au début de notre mariage, on cultivait le maïs et le tournesol. Et puis les chèvres et les moutons. Il aimait les moutons, je m'occupais des chèvres. Un matin, j'ouvre mes volets, je bois mon café comme ce fameux jour d'août, le jour du dos d'albâtre. Ce matin-là, on était en hiver. Il entre comme une furie, je me suis dit. Il a grandi ou quoi ? Il avait grandi, il avait grossi. Il était en manteau. Il me fait. Je vais travailler aux produits pharmaceutiques. Et pan ! Sourire numéro 2. La lèvre supérieure tirée vers la droite, la lèvre inférieure à sa place. Et un visage de noyé. Très vite, il avait eu ce visage-là, un visage de noyé. J'ai eu envie de pleurer. J'ai fait les produits pharmaceutiques. Je n'ai pas bu de café. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Je pensais au matin de la tasse cassée. Et lui, il me fait encore produits pharmaceutiques. Ça a été comme un coup de poignard. C'était le premier. Juste après, il y aura le second. Ma mère est morte en avril. Je suis allée dans le Pas-de-Calais. Mon frère m'a dit que j'avais beaucoup changé et que j'étais méconnaissable. Je lui ai répondu qu'il avait beaucoup changé, qu'il était méconnaissable. On en est resté là. On a beaucoup bu, je n'ai pas pleuré ma mère, je suis rentrée en Haute-Loire. Quand j'ai garé la voiture, j'ai su que rien n'allait être comme avant, que tout avait changé, que seul il avait décidé de ce qui allait suivre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu. Il était rouge, le regard dardé. Pas un de ses faux regards, non, un regard bien droit, l'iris au centre de la cornée. Il ne scie pas du tout, un regard fixe. Le petit était assis à la table et faisait ses devoirs. J'ai eu un choc. Il m'a dit « Il s'appelle Lionel, ses parents sont morts. » Il y avait eu les produits pharmaceutiques, maintenant il y avait un petit. Je suis ressortie aussi sec. Ceux de la ferme d'à côté étaient dehors à me regarder. Moi aussi je les regarde, et eux, silence. Je me dis, ils me font les condoléances ou ils me les font pas. Aussitôt, je comprends qu'ils ne sont pas dehors pour des condoléances, mais pour voir quelle tête on a quand on a reçu un coup de poignard par derrière. S'ils m'avaient dit « je veux un petit », on en faisait un de petit, mais jamais ils ne me l'avaient dit. Donc, le petit avait 14 ans. Il faisait moins, il était frêle. André avait perdu la raison. Quand il devait courir à droite, il courait à gauche. Dès qu'il était en haut, il le cherchait en bas, il se rongeait les seins. C'est la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui lui a fourni le petit. Il lui a acheté une mobylette. Et cette mobylette, c'est l'élément tragique numéro un. Si encore il s'était tué en mobylette, mais non. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour de l'enterrement, je vous ai dit qu'il était rouge. Eh bien, il va le rester. Il était blanc et après il était rouge. 2 années sont passées. Il était toujours rouge et il était gros. Il a pris 15 kilos en très peu de temps. Quand le bruit de la mobylette se rapprochait, il sentait la transpiration d'un seul coup. Moi, j'ai maigri des jambes. Le petit a grandi, il restait chez nous. Lui, il a changé de voix. C'était une voix perchée, une voix qui avait pris l'habitude de crier « Lionel !» Toute la journée, la maison est grande. Moi, je pensais au dos d'albâtre, au sourire qui allait les lèvres au front en passant par les joues. Je faisais encore le tournesol, les chèvres, les moutons, lui et moi, on était des étrangers. Il me disait « Tu veux encore des asperges ?» Je disais oui ou non. On n'avait pas des conversations poussées. Des fois le dimanche, quand il fait froid dehors, chaud dedans, que le petit était au bar à faire ses flippers, on s'agrippait encore l'un à l'autre. Lui me mordait l'épaule et moi, du coup je l'appelais Dédé. Et puis le lundi, c'était à nouveau le petit, les produits pharmaceutiques, mon frère est mort. D'un seul coup. Re-enterrement, repas de Calais. J'ai pleuré à l'enterrement. Ça m'a fait du bien. Mon frère était mort sans aucune raison valable. Il avait voulu mourir, il avait fait son choix. De la même façon que la première fois où, rentrant du Pas-de-Calais, je rentrais dans ma maison de granit, j'avais su que tout avait basculé, que rien ne serait comme avant, eh bien, au retour de l'enterrement de mon frère, empoignant la clenche de la porte de ma maison de granit, j'ai su qu'il allait se passer quelque chose de décisif. J'ai poussé la porte et je l'ai vu, lui. Il louchait. Il était rouge et il louchait. Il se tenait immobile en plein milieu de la pièce et il regardait vers la porte. Je suis entrée et il a continué à regarder la porte. Je m'approche de lui et lui, toujours la porte, et il louche. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me fait « C'est Lionel. » Je fais « Il est parti ?» Il fait « Depuis 8 jours. » Je fais « Avec la mobylette ?» Il fait « Oui. » J'ai rigolé. « Tu n'avais qu'à pas lui acheter de mobylette. » Et je veux l'embrasser. J'étais partie depuis 10 jours, donc je l'embrasse. Et il hurle. Je l'embrasse et il hurle. Et il louche. Il avait maigri. Il grossit, il maigrit, il devient rouge. Il louche. Il était fou. J'avais vu son fameux dos nu d'homme. Et j'avais eu peur. C'est pas pour rien que j'avais eu peur. Il est entré dans la maison et les mouches ont eu peur. Même les mouches avaient eu peur. Il hurle et moi j'ai peur et le petit aussi avait eu peur. À mon avis, lui aussi il a eu peur. Il était parti avec la mobylette, définitivement. Avant-hier soir, j'étais chez les Guillot à boire des canons. Je suis rentrée à 22h à la maison. C'était calme. J'ai pensé qu'il dormait. J'ai bu encore un canon, tranquille, à respirer ma maison de granit. J'avais dans le corps une sensation de détente. Je me suis vue là, en Haute-Loire, à boire mon canon. Je me suis dit, je bois un canon dans ma maison en Haute-Loire et j'ai cru que j'étais heureuse. Je n'oublierai jamais cet instant du canon dans la maison à 22h et quelques et ma détente générale et le fait qu'à cet instant, j'étais heureuse. Je me suis couchée dans la chambre du fond. Ça fait des mois que j'y dors. J'ai bien dormi. À 5h, je me réveille en sursaut et je sais. Le médecin légiste a dit qu'il n'avait pas souffert. On l'enterre demain. Heureusement, j'ai mes champs, mes prés, là, là et plus loin encore. Je regarde ces champs, ces prés et je me dis « Ce sont mes champs, ce sont mes prés » et je cesse de pleurer. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her and then, oh lordy, well, I kissed her again because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of our life. I begged her and I pleaded like a natural man. And in so lordy, well, she gave me her hand because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin. And then, whoops, oh lord, I was the father of twins because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was whoops, oh lord, the grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to thinking what happened a long time ago. Had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh lordy, will I do it all again? Because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter. Bonjour, vous appelez pour un proche décédé, dites décédé. Un proche en fin de vie, dites fin de vie. Vous-même pour contrat obsèque, dites contrat obsèque. Contrat obsèque. Enfin, vraiment, tu fais ça n'importe comment, c'est épouvantable. Dis décédé, enfin. Décédé. Décédé. Décédé. Ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Nous sommes... je suis dans la plus profonde affliction, attendu que ma grand-mère... Enfin, bon, je sollicite votre concours, monsieur, pour la mise au tombeau de ma grand-mère, laquelle, si je vous appelle, vous vous en doutez bien, vient de trépasser. Oh là là, c'est triste, ça. Please, wait one minute. Je Francisco pour vous servir, c'est pour une personne qui est morte. Allô? Non, you can put it off. Je n'entends pas. You can put off la muerte, enfin, elle est morte. C'est ça? Je ne comprends rien. Musique à funébras. Enfin, mais tu vois bien, tu n'étais plus en France, là. Across the street, above the green in the flat with the colourful curtains, Alicia's wrapped in her blankets. Head leant back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons prickled in her skin all day, sucked her back through time and left her feeling far away. He was in her dream. She hasn't dreamt of him for months. She's so tired when she sleeps, she doesn't really dream at all. But there he was, holding his belly, blood on his shirt. She heard him scream her name, and then she saw him fall. Alicia wipes her face and whispers to herself, it was just a dream. She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4:18. It's a strange thing, your face seems to fade with the changing seasons. Then for some reason it comes back more present than ever. Well, not your face really, more a sense of you. Even though I know it's happened, it's no more comprehensible than if it was an abstract thing, someone else's friend. Are you asking me for something? Is there something I should do? It's hard on your mother, she lost your little brother too. But your sister's doing good, man, she's smart, smart like you. And she'll finish her degree next year, try and find a job. I suppose she's got her head screwed on right, you don't have to worry. Is there something else though? I mean, if there is, I'm sorry, because I can't really think what you might one from me. I heard your voice about it with me. I don't believe in ghosts. Work's fine, life's good, Ty's nearly four now. Smart enough to walk round and hear what I don't say. The night it happened is vivid in my brain, it won't fade. Life is long still, some things don't change. Nice to fall in love again, but that ain't gonna happen soon. I'm trying to get some money saved, fix up the living room. Nearly got in trouble, I got angry with my manager. There's this young girl who works with us, he tried to put his hands on her. It's such a waste, so many idiots alive and kicking. Why'd it have to be the only sane man in town? Well, I'm probably only saying that cause you're not around. But I'm keeping my chin up though, I don't let it get me down. I heard your voice aloud, it woke me up. I don't believe in ghosts. You're with me all the time. I think I know you better than I did when we were hanging out together. What's it like where you've gone? Well, I can feel it. It's okay, I know you can't say. But you've been with me all day. I have to tell you, when it happened, I couldn't cry for ages. But when it hit me, I fucking screamed like a lion in a cage. And look, I fasted. I didn't eat a thing for like a week. And I just walked across the heath in the rain, spitting bars to the grass and listening to the cars skidding past. I thought life would get more real or something more fast, but it didn't. When I look at your son, no, life's hidden meanings come to the front of my vision, and it's weird the way I see it right now. It's so strong. I'd never be the person I'd become if you were never gone. Everything's connected, right? Everything's connected, and even if I can't read it right, everything's a message. We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on, right? We die so that others can be born. We age so that others can be young. The point of life is live, love if you can, then pass it on. Perhaps you will forgive me if I turn from my own feelings to the words of another splendid bugger, W.H. Auden. This is actually what I want to say. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let the aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Put crepe bows round the white necks of the public doves. Let traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west. My working week and my Sunday rest. My noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. Make you okay and drive them away. The images stuck in you. reaching don't want around anymore. The push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby. Look at the stars. I'll kiss you. Pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Moi aussi. New York Herald Tribune? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir? Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. C'est agréable pas de s'endormir, mais de se réveiller à côté d'une fille. Vous allez rester à Paris? Oui, faut que je voie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie, toi. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi. Non, c'est drôle. J'ai couché avec deux filles depuis qu'on s'est vues. Eh bien, ça gazait absolument pas. Gazer, qu'est-ce que c'est? Elles étaient très jolies. Mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste. Alors tu veux venir à Rome? Moi j'en ai marre de la France. Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne. Autrement mes parents m'envoieraient plus d'argent. Je t'en donnerai. Mais on a passé que 3 nuits ensemble. Non, 5. Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge? Écoute, parle pas comme ça. Bon, je m'excuse. Il est quelle heure? On se revoit tout à l'heure? Non, pas tout à l'heure. Ce soir. Oui? Yes. Où ça? Oh, ici. Thank you. ça va. Vous êtes resté tard? Je sais pas. Toi, c'était comment? Normal. Ça te semble bien qu'on ait cette conversation? Que je te demande comment c'était avec la fille d'hier et que tu me réponds que c'était normal? Tu veux que je te dise quoi? Rien. Oh là là. Quoi? Tu trouves ça normal de partir avec une pouffe devant moi? Si je faisais la même chose, tu dirais quoi? Ben rien. Ah ouais? Tu t'en foutrais? Merde! Arrête, putain, tu me fais chier, c'est quoi le problème? Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres? Tu baises avec tes potes, toi? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Faut qu'on ait des manières. Je te parle de délicatesse, mais... Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse. C'est comme ça. Continue, mais pas comme des animaux. Rita, chanson d'amour. Rita, donne-moi ton cœur. Rita, donne-moi ta main. Rita, donne-moi ta sœur. Rita, nous partons demain. Voilà, voilà, quel beau programme. Non, je vous donne quand même un petit peu les références. Du coup, on a eu une lecture de André, de Philippe Mignana, mis en musique par Cécile Mesnier. Et un peu en vrac, mais dans l'ordre, on a eu le titre Kisses Sweeter Than Wine de Jimmy Rogers, que vous pouvez voir entendre dans le film Vin Dieu. Adieu Berthe, un petit extrait du film. Le titre We Die de Kate Tempest. Un passage de 4 mariages et un enterrement. Elliot Smith, Between the Bars, dans le film The Good Will Hunting de Gus Van Sant. Un extrait d'À bout de souffle. Un superbe titre d'In the Mood for Love de Wong Kar Wai. Un extrait de Rouillé d'os de Jacques Audiard. Et enfin, très court titre, Rita de Renaud. Rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse. À toutes les filles qui ont des peines de cœur, je vous partage un petit rituel que je fais à chaque rupture amoureuse. En fait, ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je visualise que je suis dans une pièce avec une porte au fond et mon ex ouvre la porte et vient devant moi. Et là, je prends tout ce qui était bien dans notre relation et je le visualise dans une petite boule de lumière entre mes mains et je lui redonne dans son cœur. Et après, je visualise toutes les choses qui m'ont fait de la peine, toutes les colères, toutes les frustrations. J'en fais une petite boule et là, je l'offre à la terre. Et après avoir fait ça, j'imagine que mon ex se retourne et s'en va et passe par la porte et referme la porte derrière lui. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. pas mélanger, j'ai bien vu la différence. Parfois je préfère m'isoler, ouais je mets les vibes de côté. Pour moi c'est pas un problème, si une fois sur toi j'ai douté. Affaire classée t'es rayée, pour moi c'est pas un problème. Tout à l'heure, j'étais de bonne humeur, mais vous avez tout caché. C'est marrant comme d'habitude, tout est mort, alors je m'éloigne de vous. Vous devenez trop toxique, c'est grave j'hallucine. Y'a trop de cinéma, j'vends plus mes sentiments. C'est cette vie, maintenant que j'ai choisi. Y'a trop de cinéma, j'vends plus mes sentiments. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi. Poto la machine tombe, j'ai décollé la machine tombe. J'ai pas changé, c'est toi qui tombe. J'ai décollé la machine tombe, j'pète les plombs, j'pète les plombs. Dans ton délire t'es embêtant, j'pète les plombs, j'pète les plombs. J'ai pas changé, c'est toi qui compte. J'me fatigue plus, y'a trop d'ingrats. Très déçu, ça me demande des excuses. J'étais là pour toi, tu me l'as pas rendu. Tu demandes des excuses, tu te mets dans des états. M'approcher pour me duper. Non, non, pas moi, non, non, pas sans. M'éloigne de savoir pas pourquoi. Les hippopos, les ingrats. Y'a trop de cinéma, j'vends plus mes sentiments. C'est cette vie, maintenant que j'ai choisi. Y'a trop de cinéma, j'vends plus mes sentiments. Tu ne vois pas tout ça, tout ce que j'ai fait pour toi. Poto la machine tombe, j'ai décollé la machine tombe. J'ai pas changé, c'est toi qui tombe. J'ai décollé la machine tombe, j'pète les plombs, j'pète les plombs. Dans ton délire t'es embêtant, j'pète les plombs, j'pète les plombs. J'ai pas changé, c'est toi qui compte. Poto la machine tombe, j'ai décollé la machine tombe. J'ai pas changé, c'est toi qui compte. J'ai décollé la machine tombe, j'pète les plombs, j'pète les plombs. Dans ton délire t'es embêtant, j'pète les plombs, j'pète les plombs. J'ai pas changé, c'est toi qui compte. Collier envoyé en Roumanie. Voilà, il y avait la question de ce collier que j'allais plus porter, mais que j'avais envie de donner, jeter, je sais pas pourquoi. C'était, voilà, il y avait un truc émotionnel autour de ce collier. Et je m'étais souvenue en fait du musée des relations brisées, il y a quelques années en Croatie. Et du coup, j'ai fait une association d'idées. Je suis allée sur leur site. Mais il y avait un appel en fait pour qu'un musée en Roumanie, à Bucarest, la capitale, allait faire un petit peu la même chose en version du coup expo temporaire, donc cherchait des objets liés à une relation terminée. Or, en plus, on disait toujours qu'on allait vivre en Roumanie. Bon, on n'est pas allé en Roumanie, mais du coup, je trouvais ça d'autant plus symbolique et un peu, je me disais, ah bah tiens, voilà, c'est un peu le truc, cette histoire, c'est pas bien fini, mais voilà, je vais envoyer le collier là-bas. Et voilà, donc j'avais renvoyé ça dans une enveloppe rouge, je me souviens bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, tu vois, moi en plus, c'était voilà, dans un élan comme ça, de je l'envoie un peu, ça ne m'appartient plus, etc. Mais du coup, elle m'avait envoyé, il y avait les photos dans l'article, et la façon dont ça avait été mis en scène, en plus, c'était un peu glauque, un peu... Donc je sais pas si c'était les photos, et elle les avait fait en noir et blanc, et... Mais bref, du coup, en fait, c'était genre un peu... J'étais là, en fait, cette partie-là, j'aurais préféré ne pas la voir. Avec le recul, ça m'a fait beaucoup rire, mais sur le coup, j'étais là, ah, ça fait bizarre après que tu... Mais voilà, c'était le deal, c'était j'envoie ça, ça m'appartient plus. Et au final, ça a eu ce côté un peu cathartique, mais quand j'ai retrouvé... Et c'est marrant parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps, et j'avais retrouvé du coup l'affiche. Et pareil, il y a mon collier sur l'affiche de l'expo. Et sauf que le témoignage qui a été choisi en bas est vraiment pas fun, tu vois. Et du coup, j'étais là, bon, pareil, je vais pas... Voilà, c'est mieux que ça reste comme ça l'était dans mon esprit, de quelque chose, allez, j'envoie ça. ça, c'est comme s'il y avait une preuve un peu extérieure de cette histoire qui a mal fini. Mais ça ne m'appartient plus, ça ne nous appartient plus. Et c'est là-bas, quelque part, dans un musée. Donc voilà, je trouvais ça très mignon. Et puis après, t'as le retour de bâton de la réalité. Très un truc que je peux faire. Donc voilà. Salut, c'est toujours Federica et c'est le moment philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? As-tu rencontré le vrai amour? Est-ce que tu as aimé? Est-ce qu'on t'a aimé? Pourquoi on a besoin d'aimer? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi je t'aime? Pourquoi l'amour? Et alors ma réponse est... Amour, amour. la découverte des boîtes à crânes en Basse-Bretagne. Texte de Marie Gilles, paru dans Sornette chez Absinthe Éditions. Derrière son image bucolique et maritime, la Bretagne abrite de nombreux mystères qui valent le détour si vous aimez ce qui sort de l'ordinaire avec un intérêt prononcé pour la mort. Les boîtes à crânes sont l'une des merveilles du patrimoine funéraire breton, aussi saisissantes que méconnues. Ces objets insolites, également appelés boîtes à chef, témoignent de pratiques funéraires et de rites post-mortem identifiés du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. À la fois belles, fragiles et parfois repoussantes, ces boîtes singulières nous permettent d'appréhender les attitudes devant la mort en Bretagne armoricaine. Celle-ci se caractérise notamment par une culture macabre, ainsi que par un contact physique avec la mort et avec les morts eux-mêmes. Qu'est-ce qu'une boîte à chef ? Le mot « chef » désigne ici la tête du mort ou de la morte. Au XVIIIe siècle, lorsque la place a commencé à manquer dans les cimetières, on a pris l'habitude de supprimer les anciennes sépultures pour faire de la place aux nouvelles. Cela nécessitait donc de déplacer les ossements. Ainsi, 5 à 10 ans après la mort, une fois les chairs décomposées, on prélevait les os des sépultures pour les regrouper en tas dans l'ossuaire, une annexe de l'église qui servait à ranger les ossements du peuple, tel que l'indique le fronton de l'ossuaire de Pancran. Cette pratique avait pour but de rendre chaque personne égale devant la mort, du moins en théorie. En effet, une exception concernait le crâne. Si l'identité de la dépouille était connue, on remettait chaque crâne à sa famille. Mais il était courant de vouloir continuer à honorer le défunt ou la défunte en exposant son crâne dans un lieu consacré. Pour cela, certaines familles rangeaient le crâne dans une boîte peinte, la fameuse boîte à chef, également appelée boîte à crâne ou boîte à tête. Cette pratique a perduré jusqu'au tout début du XXe siècle, par exemple en 1909 à Saint-Fiacre. Ces boîtes à crâne étaient ensuite disposées sur une étagère, le plus souvent au sein de l'ossuaire local, mais parfois au sein d'une église, voire d'une cathédrale, comme à Saint-Paul de Léon. Les boîtes à chef permettaient de prolonger la mémoire du défunt ou de la défunte, en rendant visible son crâne, c'est-à-dire sa tête, et donc par extension le souvenir de son visage. Exposées dans l'ossuaire du village, à la vue de tout le monde, les boîtes à chef contribuaient à persuader la population qu'il fallait craindre la mort et se préparer à mourir. Les messages sculptés dans la pierre à l'entrée de nombreux ossuaires bretons enfonçaient le clou. Par exemple, sur l'ossuaire de la Roche-Maurice, 29, « Memento homo, quia pulvis es, mihi odi tibi cras. » Souviens-toi, homme, que tu n'es que poussière. Aujourd'hui moi, demain toi. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Une boîte à crâne présente en général une ouverture permettant de voir le crâne qu'elle contient. Ce trou est le plus souvent en forme de cœur, parfois inversé, mais il arrive aussi qu'il soit en forme de trèfle, de fleur, ou plus simplement de forme ronde ou ovale. D'ordinaire, c'était l'arrière du crâne que l'on prenait soin de placer au niveau de cette ouverture, par pudeur. Mais parfois, c'est bien la face qui nous observe. On peut néanmoins se demander si les crânes étaient bien placés face à l'ouverture initialement, ou s'ils le sont devenus au fil du temps, à force de déplacement et de manipulation. La pratique des boîtes à crâne semble avoir constitué un privilège qui n'était accordé qu'à certains paroissiens, en particulier lorsque cette boîte était rangée à l'intérieur de l'église. Déposer un crâne dans une boîte décorée et identifiée prenait en effet le contre-pied de l'anonymisation habituelle des restes dans les ossuaires et contribuait à hiérarchiser les restes des personnes ayant marqué la vie de la communauté. Les chefs conservés dans les ossuaires permettaient aux vivants de prier pour les âmes des trépassés dans l'espoir de les sauver du purgatoire, troisième lieu absent de la Bible, mais entériné par l'Église dans la doctrine catholique du XIIIe siècle. Au XIXe siècle, ce concept a été réutilisé pour les inciter à acheter des messes à la mémoire des défunts dans un contexte de recristianisation du culte des morts. De un campo lirio, ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ou voir des boîtes à crânes en Bretagne. Dans les Côtes d'Armor et en Finistère, on peut encore voir plusieurs groupes de boîtes à chefs, à La Méogon et à Saint-Fiacre d'une part et à Saint-Paul-de-Léon d'autre part. Dans le Morbihan, on trouve plutôt des crânes encastrés dans les murs de certaines chapelles et au-dessus d'un bénitier. En Ille-et-Vilaine, en revanche, il n'existe a priori aucune boîte à crânes. Nous détaillons ci-dessous nos préférés. Saint-Paul-de-Léon. La plus belle collection de boîtes à crânes se trouve dans la cathédrale Saint-Paul-Aurélien de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Les 31 boîtes sont accumulées dans un grand enfeu au niveau du déambulatoire nord. Cet ensemble funéraire est surnommé, avec un goût exquis, les « étagères de la nuit ». On comptait jadis davantage de boîtes, mais certaines ont été volées ou profanées. Néanmoins, en 2020, une des boîtes volées a été restituée de manière anonyme après 35 ans d'absence. Saint-Fiacre. Classées elles aussi au titre de monument historique, les boîtes à chefs de Saint-Fiacre sont visibles dans l'ossuaire de l'église du même nom. Au nombre de 8, ces boîtes à chefs sont posées simplement sur une étagère à l'intérieur de l'ossuaire. La Méogon. On ne peut observer que 6 boîtes à crânes à la Méogon, mais leur disposition est assez représentative d'un usage commun en Bretagne. Disposées sur une étagère en haut d'un porche de l'église, elles rappellent à tout le monde la présence et la mémoire des trépassés, Anaon en breton. En réalité, disposer les crânes à l'intérieur du porche comme ceci permettait d'éviter aux petites communes la construction onéreuse d'un véritable ossuaire. La boîte à crânes la plus récente conservée à la Méogon date de 1881, ce qui prouve que la pratique des boîtes à crânes y a perduré au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. Llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona y el primero que te di. El último de mi madre llorona y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Pour faire le deuil d'une relation amoureuse. rituel que j'ai pas fait beaucoup de fois finalement, mais dont je me souviens avoir tiré pas mal de bénéfices. En tout cas, c'était tombé à point nommé. Et du coup, c'était en fait suite à des ruptures amoureuses. Et je me retrouvais dans mon appart avec des objets ou des photos parfois qui me renvoyaient à cette relation qui était terminée. Et du coup, ces objets, au bout de quelques jours, des fois ça prenait une semaine, des fois plus. En tout cas, j'avais trop de peine ou trop de colère parfois aussi à les voir encore graviter autour de moi dans mon quotidien. Donc je finissais par les mettre dans une boîte, en carton, enfin une boîte quelconque. Parce que je me sentais pas de les jeter dans un premier temps. Et puis, mais cette boîte, je la laissais à vue quand même. Et puis, quand j'avais le regard qui se posait dessus, je voyais ce que ça générait chez moi, en fait. Et progressivement, au bout de, alors assez variable, mais de quelques jours, quelques semaines, je me sentais une sorte d'élan et du coup de retourner vers cette boîte et de l'ouvrir à nouveau pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc parfois ça se faisait assez rapidement et d'office en fait je me disais cet objet là, ce souvenir là, je me sens de m'en séparer et puis finalement ça se faisait assez rapidement. Des fois j'avais besoin de rouvrir la boîte plusieurs fois en fait, voire même juste de la refermer parce que je pouvais pas encore retrouver ces souvenirs là et c'était encore trop frais. Et puis au bout de 2-3 fois à ouvrir cette boîte, au bout d'un moment il arrive cet instant où ça me fait plus de peine, plus de colère, plus d'amertume, et où je suis capable de regarder ces souvenirs avec un regard plus apaisé et d'en faire du coup ce que je veux, soit de continuer à les utiliser mais avec moins de tristesse ou voire même pas du tout. Ou alors les mettre à la poubelle si c'est des choses qui étaient plus vraiment liées à la relation mais qui n'avaient pas d'utilité en elles-mêmes. Et voilà, et du coup j'ai gardé en mémoire ce truc de la boîte qui m'a en fait, dans certains cas c'était bien cool de prendre le temps en fait de dire non, je vais pas me forcer à tout jeter parce que peut-être qu'en fait tout jeter ça va me faire peut-être plus de peine encore que de voir ces objets sous mon nez. Donc voilà, c'était un petit sas en fait de décompression pour ces souvenirs. Dire je m'en sépare pas encore tout à fait, je les garde sous le coude parce que ça me fait du bien de vivre aussi cette peine. Donc voilà, c'était le petit vocal pour t'expliquer mon rituel. On se demande aujourd'hui quel rituel pour faire le deuil d'une relation amoureuse. On parle de ceux qu'on fait pour soi, mais pas pour les autres. Comment prend-on soin de nos amis au cœur brisé? Il y en a trop qui se retrouvent sous antidépresseurs. Alors, j'ai pas trop de réponses, mais j'ai envie de dédicacer le prochain morceau à l'ami Corbel, qui doit être présentement en train de déguster une galette anti-monarchique, mais qui digère ses ruptures en fusionnant avec son canapé. On écoute un morceau qui parle de canapé pour l'accompagner, Vestal Vestal. J'ai déjà fait 14 fois le tour de mon studio, épuisé les vidéos de chiens militaires retrouvant leur maître. Je retrouve pas mon maître. J'ai jamais eu beaucoup de volonté. J'ai une vie dénuée de sang. en soi une victoire. Je crois qu'il est pour moi déjà trop tard. J'arriverai pas à me décrocher de ce satané canapé. J'ai jamais eu La mort m'a traversée, en un mot, leucémie. On a annoncé plusieurs fois à mes proches que j'avais peu de chance de m'en sortir. Un jour, j'ai cru partir. Je me suis vue morte. J'ai imaginé ma cérémonie. J'avais 25 ans. Quelques années après, j'ai assisté à mes premiers funérailles, ceux de mes grands-parents, à quelques mois d'écart. J'ai vu mon premier corps mort à 37 ans. Tous les funérailles auxquelles j'ai assisté ne ressemblaient en rien à la personne vivante que j'avais connue. J'ai eu la sensation d'être privée d'une certaine intimité avec mes morts. Parce que nous nous laissons déposséder de ces derniers instants. Qu'il est difficile de songer à la mort, de réagir après la perte d'un proche. Nous déléguons ce dernier hommage à des agences funéraires qui proposent bien souvent des formules clés en main, soumises à option. La mort est devenue un marché comme un autre. Cependant, aujourd'hui, les arts funéraires se réinventent. Des alternatives aux modèles dominants et commerciaux voient le jour. Laurence Loutre-Barbier fait partie de ces personnes qui réfléchissent et accompagnent à la réappropriation de la mort et des funérailles. En redonnant du temps pour penser une cérémonie à l'image du défunt, des proches, en un mot, du sens. Dans ce moment de grande vulnérabilité. Je vous emmène à sa rencontre. Nous nous retrouvons au 22 quai Claude Bernard à Lyon. Au rez-de-chaussée, sur la rue, se trouve la maison de pompe funèbre Noir Clair qu'elle a créée en 2018. Je suis accueillie dans une pièce qui ne contient ni marbrerie ni fleurs. Un salon chaleureux, une table ronde au centre, des tapis au sol. Il faut regarder les objets qui nous entourent pour y déceler les indices d'un lieu dédié aux funéraires. Se trouve en fond de pièce, alors ce qui est commun à un certain nombre de pompes funèbres, des cercueils. Voilà. Celui-là, il est tout à fait ce qu'il y a de plus basique de cercueil. On va le qualifier d'écologique, mais ce n'est pas forcément mon propos. Mais en tout cas, c'est un cercueil qui n'est pas orné, qui n'est pas recouvert de vernis, qui n'est pas recouvert d'aucun produit. Qui sent bon, en fait, il sent, comme on dit, le sapin. C'est un objet qui est un objet en devenir, pour plein de raisons. C'est un cercueil qui risque d'être orné par un artiste, mais en tout cas, c'est aussi un cercueil qui peut accueillir un défunt. C'est quand même un objet qui a une présence particulière et qui est vraiment un objet d'usage dans une pompe funèbre. Plus vers les objets symboliques, il y a ici dans cette pompe funèbre des cadres ovales avec le cadre est noir. Et puis, le verre est souvent bombé, donc sont des objets qu'on qualifie époque Napoléon III, fin 19e siècle, et qui est une collection de tableaux mémoriels qui sont fabriqués avec des cheveux. Donc ce sont des précieux souvenirs. Alors il y a un travail sculptural en fait, parce que c'est en trois dimensions, avec les cheveux du défunt. Certaines fois il y a la photo du défunt, par exemple dans chez ce petit garçon qui s'appelle Émile Courbet, qui est décédé en 1887, où on a l'enfant avec ses vêtements et puis avec ses mèches de cheveux ont été constituées des roses, des pensées, et puis un petit nœud. Et il y a un texte aussi écrit autour. Certaines fois, sont des figures plus religieuses, une petite tombe avec des saules pleureurs, enfin, en tout cas, une imagerie assez classique dans le milieu du funéraire. Et il y en a un qui est pas très, très flatteur a priori, mais qui est vachement intéressant parce que c'est un souvenir de famille, la famille Mema, M-E-Y-M-A-T. Et en fait, une mèche de cheveux constitue une personne. Donc, il y a les cheveux de Mema père, il y a les cheveux d'Arthur, les cheveux d'Émile, de Léon, les cheveux de Mema mère. Et il y a des pensées qui sont représentées. Donc, il y a trois pensées et puis des volutes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est avec le cercueil. Le cercueil qui est l'objet qui va accueillir le cœur du défunt. Après, le corps du défunt va se trouver inhumé ou crématisé. Après, il y a le souvenir du défunt. Donc, il y a cette affaire transitionnelle qui est le cheveu, qu'il était assez fréquent de récupérer et de faire travailler par des artisans qui savaient, ou des artistes même, qui savaient très bien faire ça. Alors, moi-même, j'ai aussi une relique de cheveux de mes propres défunts que j'ai toujours autour du cou. Donc, c'est un objet précieux qui n'est pas dans le local, mais qui est associé à moi. Voilà pour... Les deux objets auxquels j'ai pensé. Et puis un troisième, un petit cadre, dans lequel j'ai mis, voilà, c'est ça. Ça, c'est un dessin. Ça fait une passerelle avec mes deux casquettes. Donc, d'un point de vue de l'édition, j'ai souhaité faire un livre dans la collection Dilaceratio Corporis, en lien avec la mort. Un livre sur les décès, les morts anténatales, c'est-à-dire des bébés qui n'ont pas eu la chance de naître vivants. Et puis j'ai commandé un certain nombre de dessins à une très jeune autrice et illustratrice qui a fait des illustrations littéraires. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là me plaît beaucoup, La délicatesse. Et elle a fait un bouquet d'objets, donc une oreille et la première fleur. Elle parle d'une écoute. Une boîte et la deuxième fleur, et c'est une boîte pour accueillir le chagrin. La troisième fleur, c'est une lettre. La quatrième fleur, c'est un rituel. Et la cinquième fleur, c'est un bol pour retenir les bruits qui nous hantent. Et la cinquième fleur, une pensée. Et puis, qu'est-ce qui tient ces fleurs? C'est un lien. Et ça, c'est associé à ce livre-là, que j'ai vu tout à l'heure posé ici, qui s'appelle « N'être pas, n'être mort ». Vous voyez, donc c'est les dessins qui se trouvent être en début d'ouvrage. Voilà. C'est un des trois derniers titres publiés, il est sorti là, début novembre. Tout objet a un sens. Là, c'est le chapeau de l'ami Clochard dont j'ai fait un livre. À l'intérieur de l'armoire sont des urnes, donc une des urnes est habitée puisque la famille va venir la chercher quand elle le souhaitera. Là, c'est une croix d'un artiste brut. Ça, c'est un paysage du Kyrgyzstan, mais on parle du lointain. Ça, c'est justement une de mes premières photographies sur le terrain des Roms de Roumanie et c'est plutôt la naissance qui est là, c'est une madone. Tout est en lien. Alors évidemment, bon, celle-ci est plus... C'est un crâne dans la neige, mais hormis ce crâne dans la neige, il y a beaucoup de silence, beaucoup de douceur et beaucoup de froid, parce que finalement, la mort, c'est froid et silencieux. Laurence Loutre-Barbier partage sa vie professionnelle entre la maison de pompes funèbres Noir Clair et les éditions Phage en tant qu'éditrice associée depuis 2003. Spécialisée dans les beaux-arts, les éditions Phage ont aussi une collection consacrée à la mort, Dilaceratio corporis. Le nom provient d'une technique funéraire utilisée dans l'Europe médiévale, consistant à séparer le corps du cadavre en plusieurs parties. La collection, quant à elle, décompose le thème de la mort en plusieurs sujets, rites funéraires, médecine légale, toxicité des plantes. Il y a 25 titres déjà qui sont parus. Et il y a quand même un moment où... on va dire que ça devenait un peu schizophrénique, c'est vrai, d'avoir un étage la maison d'édition, l'autre étage la pompe funèbre. Je suis toute seule, j'oscille entre le haut et le bas et tout. Et je me suis dit quand même, ce serait pas idiot quand même que je fasse une passerelle entre l'édition et le funéraire. D'autant que dans le funéraire, bah, finalement, en termes de collection, je crois je ne me suis pas vraiment plus posé la question que ça, mais je ne crois pas qu'il existe grand-chose. Et l'idée, c'était de faire des petits livres avec néanmoins un contenu, ce soit pas de l'amateurisme non plus, mais que ce soit des gens dont c'est le métier de réfléchir à certaines choses en lien avec la mort. Peu importe le lien, c'est-à-dire que c'est une collection qui est finalement assez ouverte et qui évolue au gré et des rencontres et des questionnements que je peux me poser et qui peuvent m'être proposés ou m'être soumis. Donc voilà. Alors c'est vrai que les trois derniers titres, on a parlé tout à l'heure de N'être pas, N'être mort, donc sur tout ce qui a à voir avec le deuil anténatal. Il y a un autre livre qui s'appelle Souriez, vous êtes mort, donc qui est sur la photographie post-mortem. Et le troisième, La mort au vestiaire, qui est sur le vêtement de deuil, notamment au 19e siècle. Des titres qui sont assez punchy, mais qui nous ramènent à des sujets cohérents et qu'on arrive à faire tenir dans ces petits livres qui ont systématiquement le même format. Un petit picto assez emblématique sur la couverture. Hein. Et après, le reste, qui est une analyse sur 95 000 signes, une douzaine de photographies, de façon a priori accessible mais exhaustive. Avec Noir Clair, Laurence Loutre-Barbier propose un service funéraire qui remet le lien au cœur de sa pratique. Le lien avec les familles, proches du défunt, de la défunte, en leur permettant de s'autoriser à participer aux obsèques. Lien avec le mort par le soin apporté au corps du défunt, à la terre en ayant une conscience écologique. Mais si tout était une affaire de temps? Croque-mort, en me définissant comme croque-mort, je romps avec les frontières du funéraire. C'est-à-dire qu'il y a le conseiller funéraire, il y a l'officiant ou le cérémoniant, il y a le thanatopracteur ou le soignant, il y a le transporteur. Or, je fais travail avec ces spécialistes aussi, mais je suis le fil continu, en fait, lié à ma propre expérience, puisque j'ai rencontré le funéraire en étant en chambre mortuaire. Donc, moi, je peux aussi accompagner les familles dans ces laboratoires, ce qui a été le cas certaines fois, de gens qui ont fait eux-mêmes la toilette de leurs défunts. Donc ça, c'est une première chose. Et après, je fais aussi les cérémonies. J'ai aussi un corbillard vintage, Citroën Jumper, qui roule à l'éthanol. Donc voilà. Et puis ben, après, pour le passage obligatoire du défunt dans le cercueil, puisque ça, c'est une obligation absolument incontournable, que ce soit pour la crémation ou l'inhumation, le cercueil est obligatoire. Je travaille avec quelqu'un non éloigné de la région qui me livre un flux tendu du jour au lendemain, qui a une conscience aussi de ce qu'il fait, c'est-à-dire que ses cercueils peuvent être issus de plantations lui-même qu'il gère, il fabrique, il replante, etc. D'autres, évidemment, sont des cercueils d'importation, mais je privilégie tant que je peux la proximité, en fait. Les cercueils, ben, comme celui-ci, peuvent être en bois brut. Aujourd'hui, il y a une cérémonie faite dans exactement ce modèle de cercueil, donc ultra brut. On n'a pas mis de plaque non plus en plastique ou autre que ce soit dessus, mais les choses ont... L'identité du défunt a été peinte à la gouache. Enfin, vous voyez, il y a effectivement cette partie-là. Redonner du temps, effectivement, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi, sans que ce soit une injonction, c'était une évidence. Grosso modo, à partir du moment où le décès a lieu, le temps se dilate, ce qui peut paraître étrange, parce que a priori, les gens sont plutôt dans un mode de précipitation, c'est-à-dire le décès est intervenu, il faut vite agir. Et à ce moment-là, on inverse un peu l'histoire et on commence à se poser et à prendre le temps. Toute proportion gardée, puisqu'on a quand même un délai qui est incompressible de 48 heures pour ce qui est des transports des défunts sans cercueil. Donc une fois que ça est décidé, transport ou pas transport, après on se détend et on peut effectivement commencer le temps des obsèques au moment du décès, au moment de la rencontre. Donc si une famille se rencontre, je pense, je peux raconter des anecdotes par exemple, mais ce monsieur qui avait perdu sa compagne d'une sclérose en plaques et qui l'avait toujours gardé à domicile, faisait sa toilette, ses soins, eh bien un jour il m'a demandé s'il pouvait faire cette toilette et ses soins, c'était à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, et ça a été accepté, donc il est venu dans le laboratoire et on a passé 3-4 heures, c'était très long. Et l'a habillé, lavé, maquillé, mais maquillé très très bien, verni tous les ongles. Enfin bref, on a passé ce temps-là. temps qui a une valeur inestimable parce que c'est le temps du début des obsèques. Pour lui, les obsèques ont commencé bien avant la cérémonie. Elles ont commencé peut-être au moment de notre rencontre et après, dans ce temps-là de soins. Pour d'autres familles, ça va être d'autres choses. C'est vraiment l'intérêt d'avoir ce véhicule me permet une certaine souplesse aussi. Faire une cérémonie à domicile, en extérieur, c'était le cas une année où effectivement les gens avaient une maison et puis après ils ont fait toute une nuit blanche autour du cercueil qui était dans la salle à manger avec soupe de courge et vin chaud et on a fait les obsèques le lendemain. Vous voyez, on redonne du temps et c'est un temps qui n'a pas de valeur. C'est le temps qu'on peut, nous, pompes funèbres, offrir si on n'est pas nous-mêmes dans la contrainte de rentabiliser ce temps. Et la pirouette, ça a été de dire, bon, je dégage du temps pour faire du funéraire, je me fais payer effectivement pour faire des obsèques, voilà, ça c'est, il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, on redonne du temps à tout ça. Et ça, on ne le quantifie pas. Et le fait de ne pas vivre du funéraire, je tiens à dire que je vis de l'édition, ce qui est un paradoxe dans notre société, parce que tout le monde lèverait les yeux au ciel. Ah bon, mais vous faites de l'édition en hobby ? Non, je fais des obsèques en hobby, voilà. Comme ma sœur la nuit. Comme la poussière aux feuilles de l'ortie. Comme les sombres corridors d'enfance. Comme ma sœur la nuit, tes lèvres fermées me parlent de la mort. Comme des plumes sur la neige, ou ces feux d'herbe dans le brouillard. Comme ma sœur la nuit, ton corps scellé me parle de la mort. Comme le lac d'ombre du noyer, comme le sang sur le pavé. Comme ma sœur la nuit, le sel de tes yeux clos me parle de la mort. Quand on a un proche qui décède, c'est la première fois qu'on le rencontre dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on l'a toujours rencontré vivant et que soudain, quelque chose de sidérant arrive. Sidérant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Même si on est préparé, si on sait s'il y a eu la maladie, s'il y a eu des difficultés, il y a quand même un moment où là, on est confronté au fait que plus jamais. C'est irréversible, en fait. Déjà, cette chose-là, on ne peut pas l'écraser plus que ça, parce qu'il faut un temps pour sortir de cette sidération. Et après, ce qui aussi permet de sortir de cette sidération et de faire quelque chose de positif et de constructif, c'est aussi le temps qu'on va y passer avec cet accompagnement. Donc, certaines personnes, ce sont deux femmes là auxquelles je pense, qui ont accompagné leur défunt quotidiennement, pendant 10 jours ou 11 jours, parce que je pense qu'il était, ce temps était vraiment nécessaire pour que le mort soit vraiment mort et que la relation soit vraiment aboutie entre elle et cette personne-là. Mais chacun a des relations différentes avec son vivant, donc chacun aura des relations différentes avec son défunt. D'autres personnes que j'ai accompagnées ont fait le contraire. Ils ont pris leur temps, mais d'une façon sublime et magistrale. Ils ont dit « on s'en va ». Là, c'est trop fort pour nous. On part une semaine sur la Côte d'Azur. Je dis, parfait, on se reverra dans une semaine. Mais c'était complètement étonnant. Et à la fois, ils avaient vraiment besoin de ce temps. Il y avait trop de sollicitations, justement, extérieures, d'amis, de familles, de proches, etc. C'était les enfants de la défunte qui ont dit, nous, il y a trop de sollicitations. On se recule de tout ça pour se réapproprier notre mort. Donc, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, le point commun entre les deux, c'était le temps. Et effectivement, prendre le temps d'eux et puis se réapproprier ses funérailles. Donc, quand on dit se réapproprier du funérailles, ça veut dire qu'il faut imaginer des choses, de créer son aventure, son rituel. Et le temps, il passe à votre insu. Mais c'est là qu'on se rend compte que c'est avec le temps qu'on fait les choses soi-même, en fait, en étant accompagné, évidemment. Nous n'avons pas cessé de le rappeler. Les morts n'ont pas d'autre existence que celle que les vivants leur donnent. C'est l'imaginaire individuel et social, le rêve, les récits, la croyance partagée. C'est la parole socialisée, à la veillée, dans la prédication, qui font se mouvoir et parler les revenants. Que les morts ne tiennent pas, tout seuls, peu de gens en doutent. Bien sûr, nous sommes responsables de leur existence. Et bien sûr encore, il faut des cultes, des suffrages, des modes de convocation et, surtout, des récits et des rêves qui sont le véhicule privilégié à certaines époques et dans certains lieux. il faut cultiver des dispositions, des dispositifs, c'est-à-dire des opérateurs techniques de disponibilité. Et pas la même chose d'être un humain agissant ou d'être un humain qui suit un fil qui lui est proposé en fait. Lorsque nous mourons, nous avons deux options pour notre corps, l'enterrement ou l'incinération. Une troisième voie se développe, celle de l'humusation. Le corps est déposé dans un compost et recouvert d'une couche de matière végétale broyée, qui transforme en 12 mois la dépouille mortelle en humus fertile. Ce procédé est encore illégal en France car la présence d'un cercueil est obligatoire. En attendant l'évolution législative, comment avoir une démarche éco-responsable ? L'écologie est extrêmement simple, il n'y a pas tellement grand-chose à légiférer là-dessus en fait. Il suffit de ne pas faire soin de thanatopraxie quand ce n'est pas nécessaire. Donc il y a ça, il y a la conscience du cercueil. Après, il y a des cimetières, même en Rhône-Alpes, qui sont quand même étonnamment d'avant-garde par rapport à ce sujet-là. Et je pense à un cimetière, alors je me plais de le citer, qui est le cimetière de Glézé, si vous avez l'occasion d'y aller. C'est vers Villefranche-sur-Saône. C'est un cimetière qui est sidérant, en fait. Donc, eux n'ont que des stèles, ils n'ont pas de tombales. Ils ont compris depuis belle lurette tout ça, en fait. Ils font des soins quand c'est nécessaire, quand c'est pas nécessaire, ils n'en font pas. Enfin, c'est un cimetière qui est paysager, mais ils l'ont fait. Hein. Et réfléchir à tout ça, alors je parle de cimetière et je dis qu'ils n'ont pas de tombales, parce qu'effectivement, comme vous voyez, il n'y a pas de marbrerie ici. Ça fait partie de mon fer de lance aussi que de dire, en fait, tout bêtement, est-ce vraiment indispensable ? Et de renvoyer cette question-là aux familles. J'ai rien contre la pierre, le marbre, c'est pas ça le problème. Mais on peut réfléchir sur avoir accès à une tombale qui a été faite dans des pays souvent lointains, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Chine, et qui a eu un transport conséquent quand même pour arriver jusqu'à nous, sur une tombale qui écrase la terre. Enfin bon, bref, il y a des choses auxquelles j'accorde pas trop d'importance tant que ça. Je pense que c'est pas indispensable d'avoir ce type de monument. Quand on a une nouvelle concession, on peut réfléchir peut-être différemment. Nul n'est obligé d'adhérer à mon raisonnement et à ma parole. Et ce qui est magique dans le funéraire, c'est qu'il y a tous les goûts sont dans la nature et chacun peut aller exactement où il veut. Bon, voilà, moi, c'est vrai que je suis plutôt dans cette logique, on va dire, décroissance. Et je rebascule à cette histoire de terre, puisque vous m'avez amené sur l'humusation. L'histoire de terre, l'histoire de pas de granit, l'histoire d'être enterré dans des vêtements de coton, pas forcément mettre de chaussures. Enfin bon, bref, tout ça qui est une démarche qu'on peut avoir ou qu'on a envie d'avoir, en tout cas que moi j'ai envie d'avoir. Pas de tombale, bon, ben, on en revient à une inhumation basique dans un cercueil parce que c'est obligatoire, sous la terre, bon certes c'est profond, mais en tout cas sous la terre. Et voilà. Donc ça, on peut le faire, c'est très simple de le faire. Ce n'est pas de l'humusation, hein, on est d'accord. L'humusation, ce n'est pas sous la terre. Donc là, c'est encore une autre histoire et c'est sans cercueil. Mais avant d'en arriver à l'humusation, on peut clairement avoir une conscience responsable, je dis même pas écologique, mais responsable en fait. Et cette conscience responsable n'a aucun impact sur ce que sont censés apporter des obsèques ou un rituel funéraire. C'est-à-dire un apaisement, c'est-à-dire un moment de conscience d'une transition et d'une appropriation de ce moment-là. Ne pas être dépossédé de ce moment-là. Finalement, est-ce que c'est le regard qu'on va avoir sur un lieu bien équipé au cimetière, ou est-ce que c'est ce temps qu'on a passé et cette poésie qu'on va continuer à entretenir post-obsèque, en fait. Ici, art et thanatologie se côtoient donc, via Noir Clair et les éditions Phage. Laurence Loutre-Barbier a également une pratique artistique par la photographie et l'écriture. Comment ces différentes expériences s'entremêlent-elles ? Ce que je ressens de la vie, c'est quand même une succession d'événements, plus ou moins heureux et plus ou moins judicieux, qui, à un moment donné, arrivent et fait qu'un chemin se prend. Donc, l'écriture, ben, voilà, la photographie, ben voilà. la mort, ben voilà aussi. Mais c'est des événements très concrets qui m'ont mis sur ces sentiers-là. Et la première photographie que j'ai faite sur un terrain à Lyon, où vivaient des Roms de Roumanie, et ce terrain s'appelait le terrain de la soie, en fait. Je suis rentrée sur ce terrain à cause d'un livre qui s'appelait « Un trou dans le grillage » que j'avais lu quand j'étais gamine. Et en fait, c'est pareil, je me disais toujours « Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui habitent dans ces baraques incroyables, etc. Pourquoi j'y vais pas ?» Et c'était comme un trou dans le grillage, donc je suis passée par ce trou. Et ce jour-là est arrivée une jeune fille qui maintenant est une vieille dame, mais pas tant que moi, qui s'appelait Rosalina, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens ?» On a commencé à parler, elle parlait français, bon, très bien. Un jour, je vais la voir, il pleut vraiment beaucoup, et je rentre dans une baraque, la famille dit « Viens !» Il y avait beaucoup de monde, et je m'assois sur un lit, en face de moi, il y avait Maria qui allaitait son gamin, il faisait noir, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, sauf qu'il y avait des réverbères, et un homme est rentré, a ouvert la porte, paf, j'ai fait la photographie éclairée par la lumière des réverbères, et j'aime beaucoup cette photo. Si je parle de cette image, c'est pour dire que la photographie m'a amenée à systématiquement, que ce soit sur la cause des Roms, sur la cause des migrants, c'est l'outil qui m'a permis à me rapprocher de la vérité d'un certain nombre de gens avec lesquels je ne partageais pas le même langage ni la même vie du tout. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec le funéraire? C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais forcément rencontrer les gens, ce n'est pas ça qui se passe. Le téléphone sonne ou quelqu'un pousse la porte. Et là, tout d'un coup, je bascule dans un univers avec une sincérité et une authenticité inhabituelles dans le monde du travail ou dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cet outil du funéraire que j'ai commencé à utiliser, que je ne maîtrise pas, mais en tout cas qui m'est de plus en plus familier, qui fait qu'à ce moment-là, j'apporte quelque chose. Pour les Roms, j'ai amené autre chose avec la photo, j'ai amené la rencontre, l'échange, etc. Et là, il se passe aussi la rencontre, l'échange, et on œuvre pour la même histoire, c'est-à-dire qu'on veut des obsèques les plus justes, c'est-à-dire magnifiques, puisqu'ils sont justes. Et là, je voulais que cette fille soit la plus belle. Ben, elle était juste dans sa baraque avec son gamin. Mais on ne voit pas toute la misère qu'il y avait autour. C'est un peu bizarre de raconter ça, mais quelque part, c'est ça qui se passe. Donc, je suis dans quelque chose qui m'amène vers l'autre, en fait. Maintenant, l'écriture, ben, pour moi, c'est assez simple. C'est-à-dire que je rencontre des familles, certes, c'est pas à moi de parler du défunt, j'estime que c'est à eux et on arrive à faire que ça se passe comme ça dans ma propre histoire. Par contre, je rencontre les défunts eux-mêmes. Et là, j'ai quelque chose à raconter sur cette aventure que j'ai moi, parce que quand je rencontre un mort, il a une histoire, elle est palpable dans le froid et ce lieu qu'est la chambre mortuaire. Mais en tout cas, la rencontre, je peux la partager avec les familles d'une certaine façon, qui n'est pas une façon ni journalistique ni rien, mais c'est il y a entre les familles et le défunt, ben moi, parce qu'ils ont guère le choix, mais on arrive à faire une espèce de communion poétique, en fait. Et je retourne à l'écriture là, en faisant, effectivement, en construisant les cérémonies. Donc voilà. Chewbacca, tais-toi. Au XIXe siècle, la visite favorite des Parisiens était la morgue. Ouverte en 1804, la morgue de l'île de la Cité était ouverte à toutes et tous afin d'identifier les cadavres des noyés de la Seine ou des corps retrouvés dans les rues de Paris. À cette époque, on veillait encore les morts à domicile. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus rarement des corps morts pour de vrai. Qu'est-ce que cela a changé ? Il s'est passé, il y a eu un transfert à un moment donné. La mort a quitté la sphère tout à fait privée. Et puis l'hôpital, en fait. L'hôpital est intervenu, pour le meilleur d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on meurt à l'hôpital, en fait. Et la mort, avant d'être la mort, on est malade. Au moment où on meurt, on n'est pas très bien, on n'est pas au top. Donc on appelle à l'aide, en fait. Et on meurt à l'hôpital. Donc les morts ont disparu du champ privé. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en cause dans cette histoire-là. Mais est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, j'en sais rien. Mais il y a le fait aussi d'être en ville. On n'est plus dans des maisons, on est dans des appartements. Enfin, il y a tout un paysage qui a changé entre les siècles anciens et maintenant. Donc tout a été reconfiguré. Vu qu'on vit plus vieux aussi, finalement, les premiers morts, quand on les rencontre, on a facilement 30 ans, 40 ans, même certaines personnes à 50 ou 60 ans n'ont jamais encore rencontré de mort. Leurs propres parents décèdent à 80 et quelques années. Bon, ils sont allés à des enterrements, mais ils n'ont pas vu de corps mort encore. Laurence Loutre-Barbier me confie que c'est lors de son accouchement à l'hôpital qu'elle s'est confrontée à la question de la mort. C'est à ce moment-là qu'elle est allée à la rencontre des défunts et a commencé à leur prodiguer des soins dans la chambre mortuaire d'un grand hôpital parisien. Cela donnera lieu à un livre mêlant photographie et écriture, La dernière chambre. C'est pas que j'ai écrit un livre, en fait, c'est à un moment donné, j'ai eu un enfant, il y a 23 ans, donc, puisque c'est son âge, Zéphyr, et c'est là que les choses sont devenues très graves pour moi, où est la mort, en fait? Et tout simplement parce que je suis allée à l'hôpital. Alors, à ce niveau-là, j'ai de la chance. C'était ma première hospitalisation pour accoucher. Et je me suis dit, mais dame l'aide, je n'avais pas vraiment fait de préparation ni rien. Je me suis dit, je vais devoir retourner à l'hôpital quand je vais mourir parce que c'est là que les choses se jouent. Et j'ai commencé à me rendre compte que n'avais rien vu de la mort, que je m'étais laissée socialement dépossédée de ce moment qu'était la naissance et que j'allais sûrement faire pareil avec la mort. En tout cas, j'ai eu le sentiment que s'éloigner de la chair, en fait, aussi bien pour la naissance que pour la mort, avait quelque chose pour moi d'anxiogène, en fait. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un ni déprimé, ni angoissé, ni rien, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre, en fait. Jeune chair, vieille chair, chair morte, enfin, toute cette incarnation qui fait que... ouais, que c'est un véhicule de notre esprit, notre âme, etc. Tout ça, on en a une espèce de conscience diffuse. Cette espèce de flamme étrange, je ne sais pas, que les poètes appellent l'âme, effectivement. Le lien entre la naissance et la mort m'a fait penser à la femme qui aide et la laveuse d'Yvonne Verdier. Quand les morts étaient encore à la maison, ce sont les femmes qui les prenaient en charge. Juxtaposées ainsi au début et la fin de la vie, les gestes qu'accomplit la femme qui aide éclairent la nature de son travail. Elle a, aux deux moments, une même activité de nettoyage, et le terme important du rôle réside dans l'acte de toilette. Je fais la toilette du nouveau-né, je fais la toilette du mort. Geste de lavage des corps au sens propre, geste d'habillage, geste d'appropriation des lieux, même remue-ménage autour du grand lit dans lequel on naît et on meurt, même déploiement de grands draps blancs, de linge changé, brassé, lavé. Geste symétrique et inverse. Que le nouveau-né soit débarrassé des impuretés qu'il amène de l'au-delà, que le mort n'en emporte pas. Quoi qu'il en soit, pour le moment, elle lave. La simplicité des gestes, leur discrétion. Tout se passe dans le mi-temps du lit, à la maison, rien n'est officiel. Les simples ustensiles, quelques baquets d'eau, un peu de linge, ne sauraient nous masquer leur caractère rituel et l'importance de la fonction de femme qui aide. Car se trouve affirmé et le caractère dangereux du contact aux deux moments et sa nécessité. En effet, les deux points de contact, saisir le nouveau-né ou ensevelir le mort, suscitent le même effroi chez les proches. devant le nouveau-né, comme devant le mort, la même panique saisit, le même affolement. On ne sait que faire et on a peur. Attends, alors, c'était pour des raisons liées à des obsèques aujourd'hui. C'est une chanson de Jacques Higelin. 24 heures sur 24, mon cœur bat, et quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre, comme le cœur de mes frères, d'amour et de colère, à travers le mien. La mort est toujours proche, la mort est toujours là, la mort est le berceau de la vie. Voilà. Et se détraque, se calamine et souvent tombe en panne. 24 heures sur 24, mon cœur bat. Et quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre comme le cœur de mes frères, d'amour et de colère, à travers le mien. Oh, oh, baby. La mort est toujours proche, la mort est toujours là. J'ai le cerveau qui résonne comme une vieille cloche fêlée. Oh, baby. Baby. La mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais babe, la mort est le berceau de la vie. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Vous venez d'entendre « À la mort comme à la vie », musique Isao avec Sissoko Ségal Parisien Perani, « Complainte pour mon défunt papa » d'Alan Peters, texte « Litanie pour une amante funèbre » de Gabriel Whitcup, « Au bonheur des morts » Vinciane Després, « La femme qui aide et la laveuse » d'Yvonne Verdier, « Merci à Laurence Loutre-Darbier » pour Karine et Momo, à mes morts. On s'en fout, on enregistre tout, puis on prend... Bah, vas-y, pas. Les légumes. Non, les fruits. Les fruits. Mais attends, mais attends, fait... c'est quoi ce bruit-là? Et voilà. Le problème, c'est que là, on va entendre nos voix plus les faits. Pourquoi nos voix? Parce qu'en fait, les faits, on entend derrière. Bah, on le met plus loin, non? Je sais pas, tu le mets où quand tu fais des répètes? N'importe où. Non mais c'est pas du tout mon objet ce qu'on fait. Mais Cécile... Là c'est bien. Ok, vas-y. Mais j'ai pas d'enregistreur. Winter and sorrow, losing myself in you. favor. The seaside marina, I could be seen there, pretending your promise was enough for me. I thought your promise was enough for me. But of course, girl, your promise wasn't enough for me. Send your love over the sea. Oh, oh, send your love over to me. I spent an evening in sorrow, watching the sun down in the harbor. Spent the evening in sorrow, watching the sun drown in the water. The masts of a few ships, all tangled and backlit, shone like crosses in a gold graveyard. A sunken and golden graveyard. Six crosses in an old graveyard. Send your love over the sea. Oh, oh, send your love over. Send your love over to me. Un petit conseil de lecture. Lisez la poétesse surréaliste Joyce Morsour, l'ange blasphémateur de la nuit et du sexe. Même morte, je reviendrai forniquer dans le monde. Un petit mot de Serge P., issu de la boîte aux lettres du cimetière. Ce n'étaient pas les mots, ni les choses qui firent de lui un homme, mais les trous entre les mots et les choses. Quand quelqu'un parlait, il ne voyait que les trous ouverts qui entouraient ses mots. Et ben, moi, j'ai jamais eu de rituel. Toutes mes ruptures ont toutes été très différentes. Ce que je peux dire, c'est qu'elles n'ont pas toujours été dans la souffrance. Mes dernières ruptures ont été la fin d'une relation, mais surtout le début d'une autre avec ces mêmes personnes. Et on a bossé ensemble pour continuer de relationner différemment, mais du coup de s'aimer encore. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup Marjolaine pour ton message. C'est vrai que moi ça me fait hyper écho ce que tu dis là sur comment on transforme nos relations, plutôt que de devoir être dans la rupture, dans le deuil, mais au contraire comment on sort là de cette injonction à devoir être en couple déjà, et ensuite quand on n'est plus en couple, ne plus devoir s'aimer. Parce qu'on peut effectivement s'aimer différemment et pour moi c'est un énorme défi dans la vie que de faire ça. Donc merci vraiment pour ton petit mot de la fin. Et merci à toutes et à tous pour vos témoignages hyper touchants et très intéressants. On a beaucoup commenté aussi en backstage. N'oubliez pas de nous laisser d'autres messages, à peu près ce que vous voulez pour le moment. Au 06 95 90 63 60. Un énorme merci aussi à Cécile et Cécile qui ont géré la technique. Yes. Elles seraient capables de faire ça 8 heures d'affilée. Attention à vos oreilles. Mais c'était grâce à vous. Hein. Et merci pour votre patience, surtout pour la technique. Bravo, bravo. Rien, j'improvise, excuse-moi. Mais l'autre jour, je buvais un thé, c'est le thé yogi, et il y a une petite phrase qui est apparue qui disait que une vie sans amour, c'est comme un voilier sans son voile. Voilà. Merci, le thé. Et du coup, ben, beaucoup de love pour cette année 2025 avec nos amoureux, nos amoureuses, nos amis, nos proches et tous les gens qu'on aime. On vous donne aussi rendez-vous pour le printemps. Là, la prochaine fois, vous nous retrouvez pour une nouvelle session de 4 heures endiablée le 13 avril, le dimanche 13 avril. De 13h à 17h sur le 895 de Dio. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à nous redire si vous nous croisez à Saint-Étienne. On sera ravis d'avoir vos avis. Et les filles, je crois qu'il y a un nouveau message vocal qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On va le mettre. Allez. Allez. J'ai envie de vous partager une recommandation de podcast. Ça s'appelle « Le Royaume des Ex » de Christine Gonzalez et Aurélie Cuta de la radio suisse romande. Et ça raconte comment des ex transforment leurs relations. Bisous. Oh là là, c'est pas possible. Encore une nouvelle piste pour inventer des nouveaux liens, des nouvelles manières de relationner. Merci pour la reco. Et je pense que c'était Sonia. Merci. Et Fédé, tu voulais pas annoncer... une émission à venir sur le 895 de Dio à 19h Oui, le 13 avril. Non, c'est tout à l'heure. Aujourd'hui. Ah oui, c'est aujourd'hui. Il y aura la machine à découdre. Ah oui, focus. Excuse-moi, désolée. C'est vrai que là, en France, il se passe quelque chose d'hyper important. Mais Colline, elle va vous dire mieux que moi. Et je ne sais pas ce qui se passe en France de super important. Et les morts, les peines. Ah, oui. Il y a trop de choses en ce moment. Mais à 19h, la machine à découdre. Sur le week-end Antifa là, qui s'est passé ce week-end à Saint-Étienne. Donc écoutez-les, c'est à 19h, la machine à découdre sur le 895. Super. Et toutes nos rêves seront bien sûr écrites sur le site de Radio Audio, de ce que vous avez pu entendre pendant ces 4 heures. Merci à toutes. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. On vous laisse avec... Anne Sylvestre. Ciao. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Ah, on a pas le morceau apparemment. Bon, on va le trouver. On va le trouver. Pas vous le chanter en live non plus. On voulait vous. C'est parti. Hein. T'as mis le bon, j'ai mis le morceau. Mais lequel? Mais tu viens de. Remets-le. Remets-le. On enregistre tout, puis on prend... Bah, vas-y, parle. Les fruits, pas. Non, les fruits. Les fruits. Mais attends, mais en fait... Attends, c'est quoi ce bruit-là? Et le problème, c'est que là, on va entendre nos voix plus l'effet. Pourquoi nos voix? Parce qu'en fait, l'effet, on l'entend derrière. Bah, on le met plus loin, non? Je sais pas, tu le mets où quand tu fais des répètes? N'importe où. Bon, il y a eu un petit bug. Désolé. On reprend. Anne Sylvestre. Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord? Ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à 3 ans saluait au passage. Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en partant doit laisser sur la rive le parfum de la terre après les giboulées, ou celui d'une ville au bitume lavé quand au petit matin les balayeuses arrivent, Ne peut-elle emporter cette fragrance vive du jasmin qui poussait au jardin de ta sœur? L'odeur de tel matou aux relents assassins ou l'étrange senteur des amours en dérive? Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en faisant son ultime balade devait abandonner les chansons de marin et le frémissement des tambours africains, la morsure dorée des musiques nomades, garderait-elle pas comme une dérobade le rire de Baptiste éclaboussant le ciel, les larmes des pianos, les guitares fidèles et les saxos du jazz aux obscures glissades? Si mon âme en partant soudain se retrouvait orpheline de tout ce qui l'émerveillait, je mourrais à regret. Si mon âme en fuyant doit oublier sereine les enfants de mon corps et ceux de mes chansons, les fêtes célébrées dans certaines maisons, Notre-Dame de dos couchée près de la Seine, s'il lui faut dépouiller l'amour avec la peine et ne rien ressentir, pas même le regret de n'avoir pas été celle qu'on espérait, mais juste le brouillon d'une autre si lointaine. Quand mon âme en partant depuis toujours saura qu'on y va sans bagage à ce rendez-vous-là, croyez-moi, elle reviendra. Non, non, pas son ordre. Et donc en fait, on a encore un peu de temps. On est en avance. C'était un super finish. C'était une suggestion de Chloé. Ben finalement, on va pas finir sur mon âme en partant. On va finir sur un morceau de Mohamed Wardi. Je vous laisse avec. Thank you. ربي انا بهواك اسكر قلبي تشعل حبي اشهد ربي انا بهواك صدفة صدفة صدفة صدفة صدفة واجمل صدفة انا يوم لقيتها نور عيني يا ما حبيته حبيتها نور عيني يا ما حبيتها عشان حبك وحفاداك يا ما بحبك بعبد حبك علشان حبك وحفاداك صدفة صدفة صدفة صدفة صدفة وأجمل صدفة أنا يوم لقيتك أسعد يوم أسعد يوم يوم je n'avais pas mis on. je mets off quand il faut pas et on quand il faut. Alors Cécile, tu l'as vécu comment ? Eh bah écoute, super. Et toi ? Bah c'était un peu stressant au début, saut dans l'inconnu. Hein. Je suis désolée pour VLC. Hein, c'est super ce logiciel, mais j'avais des petits problèmes avec la souris que j'avais pas. Et on en a trouvé une en cours de route. Donc tout s'est résolu. Et voilà. Et... Il reste 2 minutes. on est lâché par la. Deux minutes, c'est long à la radio quand on n'a pas grand chose à dire. Mais en tout cas, merci donc à tout le monde qui nous a écoutés. Ça nous a fait très plaisir de faire cette première émission. Merci pour les retours en direct, ça donnait de l'énergie. Voilà. voilà, cette fois-ci, c'est la vraie. On n'a pas de filet de sécurité, c'est un peu compliqué. On remet les bandes. Hein. Ouais, on remet les bandes. Allez, bisous. Merci. Check out. Hey yo, man, pop. Hey, where the fuck is Daz at, man? Hey, yo, man. Locked up with something. Yo, don't even want to leave. Yo, man, it's checkout time. It's time to get out this motherfucker. See those bitches? We out, man. I'm living the life of a boss player. The front desk calling, but I'm checking out later. My behavior's crazy for what you did to me, baby. If walls could talk, then